théâtre populaire de juin 1944 présente, sous la direction artistique de Roger Dattis, Jacques Duménil, Robert Arnoux, Marcel André, Mireille Perret, Bernadette Lange, Dominique Bucard et Albert Gercourt dans « Y avait un prisonnier », une comédie en trois actes de Jean Anouilh avec Olga Nilza et Odette Briane. Monsieur Maurice Bertrand, secrétaire général du Mouvement d'Action Culturelle juin 1944, vous parle. Le théâtre doit à la radio la sauvegarde de son influence. Et dans son duel avec l'écran, les ondes tutélaires lui ont maintenu son prestige. Depuis l'Hermine jusqu'à la valse des Toréadors, l'œuvre de Jean Anouilh a été si largement diffusée qu'il était difficile de trouver une de ses pièces ayant rarement figuré sur les programmes radiophoniques. Je ne sais si le choix de juin 1944 plaira à l'auteur, mais nous avons cru qu'elle contenait déjà en puissance la philosophie du dramaturge, c'est-à-dire cette évidence de la solitude de l'homme dans un milieu social qui lui est hostile. Il y avait un prisonnier fut représenté en 1935 par Marie Belle au Théâtre des Ambassadeurs. On a écrit que les personnages n'avaient pas encore acquis cette fermeté que l'on retrouvera plus tard chez les créatures de Jean Anouilh. Certes, l'ouvrage contient quelques invraisemblances, mais cette satire reste imprégnée de sa juvénile révolte de garçon de 25 ans, de son âpre pessimisme qui ensuite se fondra en amertume sarcastique, sorte de nihilisme moral et sentimental qui nimbe tout son théâtre. Ce n'est pas une pièce d'amour, mais le roman d'un condamné qui recouvre la liberté après 15 ans de réclusion. Quelles sont ses attitudes en pareilles circonstances ? C'est-à-dire en renouant avec la famille, le milieu social. Mais c'est tout le drame. Et dans la peinture des réactions de cet homme d'affaires, qui n'aspire plus qu'aux joies les plus simples, alors que son entourage veut l'utiliser au mieux des intérêts particuliers, dans tout cet imbroglio tragicomique, Jean Anouilh a coulé son anarchisme romantique, ce dégoût qu'inspiraient à sa jeune âme les tares et les hypocrisies sociales. Si le dénouement paraît artificiel, la pièce présente pourtant cet intérêt de constituer une curieuse analyse de caractère, d'exprimer le malentendu qui les éloigne les uns des autres, malentendu qui a peut-être séparé l'auteur du conformisme de son temps. Jean Anouilh, continuateur de Giraudoux, porte en lui, malgré son scepticisme et sa révolte, une notion de pureté qui fait de son théâtre une sorte d'acte de foi poétique en l'être humain. Anouilh songe peut-être comme Alain, qu'il ne faut jamais être dupe, et cependant tout croire. C'est aimer l'homme tel qu'il est, c'est dominer l'esprit critique négateur et stérile, et à cause de ce grain de bonté pitoyable, l'œuvre d'Anouilh résistera à l'épreuve du temps. Sur le pont d'un yacht luxueux, on aperçoit, un peu en contrebas, le fumoir. Il sera là dans une heure au plus tard. On vient de recevoir un télégramme du chauffeur. Il est allé le prendre à la prison de Gênes. Oui, il a télégraphié de Vintimille. Ils sont en France maintenant. Je me défends de faire une telle supposition, mais il me semble que si j'avais à subir une peine semblable, il me serait plus pénible encore de le faire à l'étranger. Je ne suis pas très sensible à ce genre de subtilité, mais ce qui est navrant, puisque sa banqueroute atteignait toutes ses affaires d'Europe, c'est qu'il ait eu la malchance de se faire arrêter et juger à Rome. À Paris, il s'en serait tiré, à moins. Vous êtes allé le voir là-bas ? Non, jamais. Pour les condamnés à la réclusion, il n'y a pas de visite. Mais j'ai vu le bâtiment de loin. C'est sinistre. Je me suis laissé dire qu'un homme condamné à ce genre de peine devenait assez rapidement fou. Nous allons le savoir dans un instant. C'est extrêmement pénible à dire, mais la folie, c'est ce qui serait le mieux. Vous êtes charmant, Gaston. Pas pour lui. Je vous demande pardon. Je suis un homme pris entre son devoir filial et son amour. Je suis toujours prête à vous rendre cette bague. Je sais que les Dupont du Fort sont une famille intègre, sévère, impressionnante. Ils n'ont pas de condamnés à 15 ans de réclusion pour banqueroute chez eux, les Dupont du Fort. Anne-Marie. Je comprends, croyez-le, quel honneur ils me font de m'accepter avec la tâche, comme on dit. Anne-Marie, comme vous dites cela. Non, sans tristesse. Je me suis habituée à cet état de choses. Ça a commencé lorsque j'avais 4 ans au Parc Monceau. Les petites filles bien élevées sont tellement chipies. Depuis, je sais que je suis la fille d'un pilleur d'épargne. La belle fille, Anne-Marie. Il y a une nuance. C'est un peu bête. Je crois que d'autres auraient si bien profité de la nuance pour se désolidariser complètement de lui. Alors, j'ai voulu au contraire... Ah, vous êtes chic. Non, je suis orgueilleuse. Il faut que vous sachiez que personnellement, je n'ai rien contre lui. Votre beau-père a été un financier imprudent, certes. Mais quel est le financier auquel les circonstances permettent de ne l'être pas? Si, pour des raisons politiques, on n'avait pas précipité le déroulement de l'affaire, il se serait certainement remis à flot. J'ai même été étonné, moi, qui ai suivi plusieurs craques semblables, de voir quelle correction avait gardé votre beau-père dans sa hardiesse un peu coupable. Franchement, Anne-Marie, je ne l'ai pas caché à ma famille. Je le considère plutôt comme un novateur malheureux que comme un vulgaire financier véreux. Je vous ai dit, mon petit Gaston, que votre ton doctoral m'embêtait bien souvent. Et pour la première fois, il vient de me faire plaisir. Très plaisir. Un peu chaud, même. Je vous donnerai, moi, cette sécurité qui vous a manqué. Mais je le crois, mon vieux. Ma petite Anne-Marie, vous avez dû être malheureuse. À l'âge bête, oui. Horriblement. Votre oncle, pourtant, a été parfait pour vous. Parfait, c'est le mot. Dans le seul domaine où il soit susceptible d'être quelque chose, celui de l'argent. Il me paraît cependant être un homme cordial, simple. Trouvez-vous que nous sommes sur le yacht d'un homme cordial et simple? On peut avoir un certain goût du luxe, du grandiose même, qui se trouve en parfait accord avec les grandes traditions bourgeoises de travail, de fortune... Oui, je sais. D'ailleurs, vous, petit Dupont du Fort, je vous ai choisi pour votre air un peu barbeau. Oh. Maman est aussi cause de cela. Elle a un genre que je n'aime pas du tout. Je vous ai remarqué parce que parmi tous mes candidats, vous étiez celui qui me semblait le moins destiné, avec vos complets sombres et votre inspection des finances, à devenir le gendre de cette folle blonde à la peau sous-tendue. Oh, Anne-Marie, votre mère... N'ayez crainte. Je parle sans une ombre d'espièglerie. L'appartement des Invalides vous plaira? Je l'adore. Mais je rajouterai des tentures. Je n'en sortirai jamais. Je lirai, je tricoterai au coin de la fenêtre. Aurons-nous des enfants? Au moins 12. Anne-Marie! Attention, si maman nous entendait. Bonjour, Gaston. Bonjour, Lucienne, madame. Me dit que le manteau blanc est délicieux avec la robe rouge. Ah. J'avais idée de l'assembler avec la robe bleue canard. Qu'en penses-tu, ma chérie? Regarde. Je passe. Hein? Je tourne. Là. As-tu vu le balancement des godets? C'est du génie. Mon cher Gaston, dites votre mot. J'adore la vie des hommes graves. C'est toujours inepte ou extrêmement juste. Attendez. Ne dites rien avant que j'aie passé l'autre robe. Mon blond est étonnant avec ce blanc, n'est-ce pas? Mais s'il est un peu rosé avec le rouge, c'est toute l'Espagne. Je reviens. Que je vous rassure, 25 ans à l'avance. Voilà un spectacle que je ne vous donnerai jamais. Oh, mais je le trouve charmant. Moi aussi. J'adore la jeunesse. Quel événement pour Adeline, ce retour. Elle l'aime encore. C'est beau. Oh, c'est un admirable exemple. Ma mère a tous les grands sentiments avec une facilité étonnante. Ses 15 ans de réclusion sont tout simplement à sa mesure. Elle aurait été imbattable au pied d'une guillotine. Vous êtes une enfant terrible. Les parents terribles font ces enfants-là. Notre anxiété vous amuse. Et vous êtes bien fière de votre calme. Je ne le trouve pas très joli. J'aime bien mieux le touchant affolement d'Adeline. Enfin, vous n'êtes pas émue? Quand je suis émue, ça ne regarde personne. Vous êtes une petite fille très prétentieuse, Anne-Marie, et sans doute très dure. Non, je ne suis pas dure, ça n'est pas vrai. J'y pense plus que vous à ce retour, bien que je ne me souvienne plus de Ludovic, et que je n'ai aucune raison pour l'aimer. Alors, ça se traduit comment? Par de la honte. Je n'ai pas envie d'essayer des robes. J'ai honte que nous en ayons porté de toutes les couleurs pendant ces 15 ans. Que nous soyons autrement, nous autres. Plus femme. Parce que vous aussi, vous êtes anxieuse. Vous qui ne l'avez jamais connue. Je suis la femme de son beau-frère depuis plus de 2 ans. J'ai suffisamment entendu parler de lui. Pour avoir envie de connaître le beau Ludovic. Je comprends ça. Vous êtes une sotte. Voici la bleue. Qu'en pensez-vous? Ah, extraordinaire. Oh, je suis exténuée. Ces préparatifs sont odieux. Mais vous pouvez peut-être vous asseoir un instant, Adeline. Oh non, je n'ai pas le temps. Vous voyez quel bouleversement pour amener un tel retour, mon cher Gaston. J'espère pour ma fille que vous ne ferez jamais comme mon mari. Mais je l'espère aussi, madame. Me rassure-toi, maman. Pour cela, comme pour beaucoup d'autres choses, l'inspection des finances est sans danger. Tant mieux. Je veux que ma petite soit heureuse et qu'elle ne souffre pas le martyr que j'ai souffert. Quand je songe que le pauvre petit aimait tant les cravates et que l'uniforme n'en comportait même pas. Ça a dû être terrible pour lui. Aussi, pendant 15 ans, j'en ai acheté à son intention chaque année au changement de mode. Seulement, il y en a trop, n'est-ce pas? Il ne pourra jamais les mettre. Il faudra lui dire que j'ai tout fait. J'ai même essayé de le faire évader. Vraiment, vous avez tenté? Oui, mon cher. Vêtue d'un tailleur de ma femme de chambre, je suis allée moi-même, car je n'avais confiance en personne, avec des échelles, de cordes et des limes, voir au pied des murs ce qui était possible. Eh bien, rien n'était possible. Oh, mon Dieu, les souliers! J'oubliais les souliers! Je savais bien que j'oublierais quelque chose et que mes ensembles ne seraient pas prêts à son retour. Oh, c'est tout de même extraordinaire, ce retour. N'est-ce pas? Oh, il y aura certainement des articles dans les journaux. Sa condamnation a été une chose inique qui a révolté tout le monde. Un garçon si charmant, paraît-il, si fin, si parisien, pour un crack de quelques millions. C'était un homme extrêmement brillant. Oh, extrêmement. 4 duels, des scandales très flatteurs, des aventures dont tout le monde parlait encore il y a quelques années. Et avec ça, une science financière et une puissance de travail incomparable. Tiens. Combien de fois ai-je entendu Guillaume regretter sa présence au seuil d'une affaire difficile? Il allait même jusqu'à dire qu'il aurait sûrement révolutionné les méthodes bancaires si on l'avait laissé continuer. Je disais à Anne-Marie que tel a été mon sentiment. Mais Guillaume a coutume de dire qu'il est un modeste auprès de lui. Ses ambitions étaient immenses. Chaque année, il étendait son activité à de nouvelles affaires. Oh, c'est vrai qu'il avait 5 voitures? Oh, 5 voitures, un hôtel superbe, avenue du Bois, un yacht auprès duquel celui-ci n'est rien, paraît-il, des villas princières. Mais tout à coup, il n'a plus rien eu au monde. Que 4 murs gris, un petit lit et une petite table. Il paraît qu'il sera là dans 1 heure au plus tard. Oh, c'est harassant, c'est angoissant. Ludovic aurait dû penser tout de même dans quelle situation il nous mettait, mais il n'a jamais su peser les conséquences de ses actes, ni celles qui pouvaient l'atteindre, ni, ce qui est plus grave, celles qui pouvaient atteindre les autres. Votre fils, M. Penn, a été victime d'un hasard malheureux, imprévu. Quand on a une femme, un enfant et un vieux père, on ne s'expose pas au hasard malheureux. Moi, de mon temps, les financiers malchanceux se supprimaient toujours. Et, ça avait malgré tout du panache. Mais on s'inclinait et la famille savait quelle contenance prendre. Dire que je voulais qu'il entre comme moi dans l'administration. Et s'il avait écouté mes conseils aujourd'hui, il n'en serait pas là. Et nous non plus. Ah, ces 15 ans ont dû vous paraître affreusement longs. Ben, mon Dieu, ça a passé assez vite. Oh, Monsieur Payne. Oui, ma petite fille. Oui, oh, ben, tu as été témoin de bien de mes désespoirs, que ton jeune sourire a apaisé. Ça a été dur, très dur. Et lui encore, la bonne, n'avait aucun souci. Tandis que nous, il fallait que nous luttions. Oh, grâce à Guillaume, Monsieur Payne, tout s'est tout de même bien arrangé. Votre mari est un homme admirable, Lucienne. Il m'a entièrement refait ma fortune, car le Lascar m'avait ruiné avec les autres. Moi, son père. Ah, Monsieur Guillaume Baricot est le financier le plus étonnant de notre époque. N'est-ce pas? Ah, voilà qui s'est trouvé les millions en restant dans le sentier de l'honneur. Et sans se faire pincer. Oh, ben, c'est la même chose. Petite chipie. Excusez-moi, mes amis, de venir parmi vous dans ce déshabillé, mais je suis déroutée. Oh, je suis une telle sensitive, l'heure est si troublante. J'ai un immense besoin de réconfort, un réconfort qu'il ne saura peut-être pas me donner. Il a toujours été si maladroit. Dites-moi, mes amis, dites-moi, comment me trouvez-vous? Mais c'est ravissant. Le roast va très bien, maman. Ah. L'émotion vous rend charmante. Ah, l'émotion? Et vous, Lucienne, vous ne dites rien? Mais je vous ai dit que c'était ravissant. Et ravissant, ce n'est pas assez. Est-ce troublant? Vous savez mon souci. Enfin, croyez-vous? Mais vous êtes merveilleux. L'amour est si capricieux. Qui sait s'il m'aura été fidèle? Oh, mais voyons, en prison. Oh, il y a toujours des histoires avec la fille du geôlier. Oh, sûrement pas là-bas. Vous croyez? Oh, vous me faites du bien, Lucienne. Je pense que le voilà. Il me semble bien que c'est la voiture qui entre sur le pont. Oh, mon cœur bat tout rompre. Il va venir dire qu'il va venir. Mais pourquoi n'est-on pas allé le chercher à Cannes? Mais enfin, c'est vrai. Pourquoi n'est-on pas allé le chercher à Cannes? Il doit être étonné de venir nous rejoindre en pleine mer. La vedette a quitté le port. C'est moi qui l'ai vu la première. Oh, le voilà. Allons tous à la passerelle. Adeline. Quoi donc? Un mot. Alors, c'est bien entendu, hein? Pas d'attendrissement intempestif. Au fond, d'ailleurs, tu n'en as pas tellement envie. Qu'est-ce à dire? Tu le sais, tu connais Ludovic. Tu sais comme moi quel être impossible il était. Il y a 2 solutions. Ou bien la réclusion l'a guéri, et alors bénissons le ciel et ses juges. Ou bien elle a aggravé ses défauts, et dans ce cas, il faut nous défendre. suis pas plus méchant qu'un autre, je suis même obligé d'avouer que ton mari, s'il était un sauteur, était également un financier remarquable. Pourtant, si sa détention avait duré jusqu'à l'hiver, j'aurais été bien content. Au bout de 15 ans, quelques semaines de plus ou de moins, ça n'aurait rien été pour lui et ça nous aurait permis de caser Anne-Marie sans encombre. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es si pessimiste, tout va se passer très bien. Je l'espère, et j'ai d'ailleurs pris mes précautions pour ça. Dès qu'il est à bord, on lève l'ancre. S'il veut faire du pétard, qu'il en fasse, nous sommes ici en famille. Et Gaston est averti. Ah ça, il ne faut naturellement pas s'attendre à ce qu'il soit ravi du procédé. Oh, je m'y attends nullement. En d'autres temps, j'y aurais peut-être pas eu recours, mais il faut que ce mariage avec le petit Dupont Dufort se fasse sans encombre. D'abord parce que j'ai assez fait de sacrifices pour ta fille. Ensuite, parce que j'ai besoin de quelques magistrats et membres de l'Institut dans ma famille. Pourquoi ? Il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Oh, ma situation est toujours parfaitement claire, rassure-toi. Ça n'est pas un sérum, mettons que c'est un vaccin. Le voilà. Oh, mon Dieu, je suis en déshabillé rose. J'avais 15 ans devant moi et je suis en retard. C'est affreux. Vous lui avez parlé, Lucienne ? Mais aucun de nous ne le connaissait. D'ailleurs, il ne nous a pas vus. On le fait monter ici. Attention. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Tu as vieilli. Bonjour, Adeline. Pardon. Excusez-moi, mais qui est-ce ? Mais c'est Anne-Marie. C'est la petite Anne-Marie. Mais oui. Ah, comme elle ressemble à Adeline. Mais alors, où est Adeline ? Ah, c'est pour ça que vous m'avez traîné jusqu'à ce yacht. Elle ne pouvait pas bouger. Elle est malade ? Paralytique ? Elle m'a fait parler d'en. Rassure-toi, elle se porte bien, tu vas la voir. Alors pourquoi cette comédie ? Il n'a pas changé. Ah, te voilà, papa. Alors c'est tout ce que tu me dis ? Ah, tu n'as pas honte ? Non, je vous en prie, taisez-vous. Ah non, mais pardon. Mais, au procès, je n'ai rien pu dire, mais alors quand pourrais-je lui dire ? Alors, je suis sans paix. Oui. Oh, Ludo, mon Ludo. Attends, tu m'étouffes. Tu m'étouffes, j'ai pas l'habitude de tous ces airs. Mais depuis que je suis sorti, je m'étouffe. Un fauteuil. Tenez, vite. Non, ça, je ne veux plus jamais m'asseoir. Excusez-nous, Ludovic, nous ne pouvons pas nous rendre compte. Non, c'est vrai, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Tu sais combien tu es le bienvenu parmi nous et avec quelle impatience nous t'attendions. Oui, mais pourquoi sur ce yacht, au large ? Rassure-toi, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Un détail sans importance. Oui, mais pour moi, il a beaucoup d'importance, au contraire. Oh, mon chéri, puisque nous sommes tous autour de toi, qu'est-ce qui peut avoir de l'importance ? Mais tout ? Comment tout ? Oui, ça doit vous paraître surprenant, mais quand on est enfermé si longtemps entre quatre murs gris, ce qui finit par vous manquer le plus et vous rendre fou, ce n'est pas comme on pourrait le croire l'absence des hommes à qui parler. Non, on arrive à se parler très bien tout seul. Et puis, on peut parler avec le souvenir des autres. Ah, oh, mon chéri, comme c'est émouvant ce que tu dis là. C'est à mon souvenir que tu parlais la plupart du temps, n'est-ce pas ? Non. Oh. Non, je n'arrivais pas à te parler. J'ai essayé les premiers temps en te faisant dire des phrases que je t'avais entendu prononcer, mais très vite, ça m'a fatigué. Ton répertoire se bornait à quelques expressions, tu devenais une sorte de perroquet qui me rend du fou. Alors j'ai renoncé à te parler. Je suis sa femme, il ne m'a pas vu depuis 15 ans, il revient, il me traite de perroquet. Mais calmez-vous, Adeline, calmez-vous. Non. Non, c'est pas pour parler. Il fallait que la façon de penser de mes interlocuteurs vienne tout naturellement du fond de moi. Oui. Et avec qui d'entre nous parlais-tu ? Avec moi ? Non. Ah, ton père ? Tes anciens amis ? Non. Non, c'était pas par mauvaise volonté. J'ai essayé avec chacun de vous, patiemment. J'avais le temps. Mais il a fallu très vite que je renonce à vous. Ah. Non, je pouvais pas. Tiens, j'ai beaucoup parlé avec ma nourrice. Tu te souviens, papa ? Une paysanne bornée. La vieille Louise, oui, une paysanne. C'est étonnant comme elle me parlait bien. D'une façon douce, enjouée. Elle m'a bien consolé. Tiens, presque autant que lorsque j'étais petit. Et tu n'as jamais parlé qu'avec elle, dans tes visions ? Ah, mais je n'étais nullement fou, Guillaume. Ce n'était pas des visions. Non, je m'installais en face du mur et je concentrais mon esprit sur son souvenir jusqu'à ce qu'en quelque sorte, j'ai créé sa présence invisible autour de moi. Alors je lui disais mes malheurs et j'imaginais ses réponses tout simplement. Mais en m'astreignant à penser comme elle, j'arrivais à sortir de mon affreuse solitude. Et parce que c'était affreux, vous savez. Pourtant, Ludo, tu aimais tant être seul autrefois. Oui, mais pas 15 ans. Pas toute la journée, ni toute la nuit. Ces sortes de conversations imaginaires ont dû bien t'aider. Oui, oui, oui. Et comme je vous le disais, elles m'ont permis très vite de me passer des hommes. Ah. Mais ce qui m'a manqué, alors à crier, moi qui pourtant n'allais jamais qu'au bois ou à Deauville, eh bien, ce sont les arbres, les fleurs, les herbes et les animaux. Tiens, les animaux, oui, surtout. Ah, c'est drôle. Je voudrais essayer de prendre une sauterelle par les ailes, chasser une guêpe, voir une vache et avoir peur d'elle parce que j'ai un foulard rouge, être bousculé par un chien qui me retrouve et me lèche les mains. Eh bien, vous voyez, autrefois, il n'aimait pas du tout les chiens. Oui. Songez que ma cellule était tellement humide qu'il n'y entrait pas une mouche. Ah. Oh. Comme j'ai espéré qu'un été plus chaud m'en amènerait une. Une mouche? Eh oui, oui, j'aurais été tellement gentil avec elle qu'elle serait sûrement restée. Non, mais est-ce mes yeux qui sont brûlés par la lumière, mais je vois une tache brillante qui passe et repasse. Là. Tiens, ici. Oui, c'est une mouette. Ah. Ah. Une mouette. C'est vrai, il y a des mouettes. Je ne savais plus qu'il y avait des mouettes. Mais c'est tout blanc, une mouette. Écoute-moi, Ludovic. Maintenant, c'est très sérieux. Attends. Mais ça aussi, c'est sérieux. Il existe des mouettes. Tu plaisantes. Non. Non, c'est drôle, tu sais, d'avoir 45 ans et de s'apercevoir qu'on a oublié un animal aussi familier et aussi joli. Ludovic, il faut que je te parle. Tu m'entends? Non, mais écoute, ne crie pas comme ça. Je suis tellement habitué au silence. Quand vous criez, je comprends rien. Il faut que je te parle d'une chose très grave. Mais il n'y a plus de choses graves maintenant. Je te laisse l'appréciation de celle-ci. Je voulais te dire que tu as un fils. Un fils? Oui. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai, il devait naître en novembre. C'est incroyable, je l'avais oublié. Où est-il? Ah, il se promène avec sa nourrice. Non, il dort peut-être l'après-midi. Mais tu es fou, Ludovic. Ton fils est grand. Ah, il est grand. Mais voyons. Ah, mais c'est vrai. Suis-je bête, il est grand, forcément. C'est vous, monsieur? Non. Tu plaisantes, Ludovic. Tu ne te rends pas compte de l'âge de monsieur. Ton fils est grand, mais il n'a que 14 ans, puisqu'il est né l'année de ma détention, c'est vrai. Oui. Non, mais alors, qui est ce monsieur? J'allais y venir. Je laissais passer ton premier moment d'affolement, d'ailleurs bien légitime. Je te présente monsieur Gaston Dupont-Dufort, qui est le fiancé d'Anne-Marie. Je suis heureux, monsieur, de vous connaître. J'aime Anne-Marie et j'ai déjà une grande sympathie pour vous. Je ne l'aime pas, il a une tête de magistrat. Tu es fou, tais-toi! Madame est servie. Bon, eh bien, nous allons tous aller à table. Tu dois avoir faim, Ludo. Hein? Ah oui, ça oui, je mangeais à 5 heures. Peu, mais régulièrement. Alors, le moindre retard... Ici, c'est à 8h et à 1h. Tu verras, tu t'y feras, ça fait les journées plus longues. Non, à vrai dire, je n'aime pas beaucoup les journées trop longues. Oui, allons à table. Je t'ai préparé quelques bonnes bouteilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. C'est la brebis. La brebis? Oui. Oui, c'est toute une histoire. Mais tu es odieusement indiscret d'avoir amené cet individu ici sans crier gare. Attends, tu vas comprendre. C'est la brebis. Mon copain. Ton copain? Moi qui ai fait l'impossible pour t'éviter le bail à cause des mauvaises fréquentations, c'était bien la peine. Mais puisque tu n'es sorti que d'hier, comment as-tu pu le connaître? Et voilà, nous étions voisins. Alors c'est ça le régime de la réclusion. Bah c'est du propre. Rassure-toi, ça n'est pas ça le régime de la réclusion. Non, seulement voilà. Un jour, j'ai eu l'idée de coller mon oreille aux pierres de ma cellule. À certaines d'entre elles, j'ai entendu des bruits vaguement répercutés. Alors j'ai frappé dessus. À coup régulier, pour voir. Il y en a une qui m'a répondu. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Alors, rien d'abord. Les coups que je frappais firent le silence. Mais quelque temps après, elle me répondit. Alors, après bien des tâtonnements, nous sommes arrivés à avoir tout un répertoire. Mais que diable, tout ça n'explique rien. J'y arrive. Voilà, 3 mois avant ma libération, la pierre a cessé de me répondre. Dans la joie de revoir les animaux, les plantes, Enfin, et vous, bien entendu, j'ai oublié mon correspondant inconnu. Mais à mon premier pas dehors, quelqu'un m'a abordé me tendant un papier où il était écrit « Je suis un ancien détenu comme toi, je suis muet, je crève de faim, donne-moi quelque chose. » Et alors la suite est comme un roman policier. Il m'apprend qu'il était justement sorti il y a 3 mois, alors pris d'un soupçon, je le questionne, je tape sur la table, hein, comme là-bas, et il me répond, nous nous étions retrouvés, alors je l'ai amené. Voilà, et tu trouves ça tout simple? Mais je n'allais pas laisser à la rue un ami de plus de 10 ans. Un ami de plus de 10 ans, c'est admirable. T'allons le débarquer immédiatement, ton ami de plus de 10 ans. Ah non, ça jamais. Attends, mais où te crois-tu? Chez toi. Dieu merci, si j'avais un doute là-dessus, tu le dissiperais. Mais si on le débarque, je le suis. Ah, tu le suis? Bon, mais sans indiscrétion, que comptais-tu en faire? J'avais pensé peut-être qu'un emploi de jardinier ou d'aide mécanicien. Oui, je ne veux pas discuter ça en ce moment. Excuse-moi, j'ai un ordre à donner. Oui, mais enfin, cet homme, il est vraiment muet. Écoute, papa, lorsqu'il avait 16 ans, ses complices ont trouvé qu'il parlait trop facilement quand il avait bu. Comme il l'aimait bien, ils se sont contentés de lui couper la langue. C'était des rigolos. Mais il n'entend pas non plus. Non, depuis 20 ans que cette petite opération l'a condamné au silence, avec 10 ans de prison par-dessus le marché, il a à peu près perdu la notion du langage articulé. Il faut épeler très lentement. Oh, encore des mouettes. Oh, que c'est beau, des mouettes. Adeline, il paraît que le dîner va être immangeable. Passons-nous à table. Oui, mais passez devant. Oui. Songez que je n'ai pas eu Ludovic une minute à moi seule. Tenez, Justin, accompagnez monsieur à l'office et faites-lui donner à dîner, n'est-ce pas? Nous vous rejoignons. Nous vous rejoignons. Ludo. Petit Ludo, tu te rappelles? Écoute, Adeline, je t'ai dit que je mangeais à 5 heures. Je me sens très faible, alors je voudrais aller à table. Ludo, ne me repousse pas. J'ai besoin de me sentir contre toi. Non, écoute. Je suis ton amoureuse. Ah non, je... Ludo, tu me tiens à distance et je devine pourquoi. Tu ne crois pas qu'il soit possible à une femme, une faible femme, de rester si longtemps fidèle à un homme. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Je le suis restée. Tu l'es restée? Oui. 15 ans. Il ne fallait pas. J'étais de feu parfois, mais je le suis restée. Mais étant donné cet éloignement, ce bouleversement de nos rapports, qui était presque une mort, en somme, j'avais pensé que les liens qui nous unissaient pouvaient être, devaient être même, tout naturellement, relâchés. Tu es généreux, mais moi je n'ai pas voulu. Je suis ta femme. Oui, tu es ma femme. Ta femme aimante et fidèle. Petit Ludion. Aimante et fidèle. Bon, il faut que je m'habitue. Je n'avais pas prévu ça. Enfin, ça qui te donne, évidemment, suivant vos lois, une sorte de droit sur moi. Nos lois, ce ne sont pas celles de ton cœur. Oh, tu sais, après une aventure pareille, par ce mot, le cœur, on ne peut plus désigner exactement la même chose. Voilà, je te dis que je suis faible de n'avoir pas mangé à 5 heures. Tu verras, à table, je t'étonnerai en étant rassasié avec le potage, gris avec un verre de vin. Je t'ai dit que j'ai tout fait depuis que j'étais sorti de cellule. C'est que mes poumons ont pris l'habitude d'un air confiné. Mon cerveau et mon cœur ont pris d'autres habitudes. Alors, tu ne m'aimes plus? Comment veux-tu que je sache si je t'aime? Je ne te connais pas. Il n'y a pas un mot de toi qui ne me paraisse étrange. Pas un de tes traits que je puisse reconnaître. Mais c'est horrible ce que tu me dis. Je suis donc vieille. Forcément un peu plus, Adeline. Mais pourtant, j'ai vu pour toi les chirurgiens les plus réputés. Regarde-moi, mon chéri. J'ai un visage lisse d'adolescente. Hein? Regarde-le, mon visage. Adeline, quand je t'ai quittée, tu avais 2 rides. Là, il y a 15 ans. Hein? Profondes, émouvantes. Oui. Tu te souviens, je les ai embrassées. Bah, où sont-elles? Oh, tu l'as remarqué, hein? Elle va partir. Partie avec les autres, plus de rides. Je suis jeune, Lydion, vraiment jeune maintenant. Regarde. C'est ce que je vois. Eh bien, les amoureux, nos convives s'impatientent. Je passe une robe et j'accours. Elle est étonnante. Oui. Qu'as-tu, Ludovic? J'avais épousé une fleur et non pas cette étrange dame. Que veux-tu? C'est notre lot à tous, nous vieillissons. C'est le premier mot que tu m'as dit en m'embrassant, tu as vieilli. Bah, faut s'y résigner. 15 ans sont 15 ans. C'est certain, Adeline a vieilli, comme moi, comme toi. Comme moi? Bah, pardi. Tu es l'homme qui correspond à Adeline, tu as 2 ans de moins, mais tu as tout de même l'air plus fatigué qu'elle, étant donné ce qui t'est arrivé. Et à moi? Bah, ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas vrai. J'ai 30 ans. Je suis jeune, fort, beau. J'ai été enfermé, c'est bon, et après? Je sors, me revoilà. Oui, mais le temps a passé. Mais le temps qui passe, ça veut dire des journées qui s'écoulent, des coups que l'on compte à l'horloge, des clartés que l'on regarde s'étendre sur les murailles. Ça veut pas dire des femmes qui deviennent laides, qui deviennent vieilles et qui deviennent bêtes. Ah, je te trouve très dur. Calme-toi. Non, mais le temps qui passe, ce sont des images qui changent peu à peu. Un visage qui se flétrit en même temps que le vôtre, et sur lequel vous avez eu chaque seconde de chaque jour pour vous habituer sans trop d'épouvante à la marche de la mort. Mais je n'ai pas eu d'image. Je ne l'ai pas vu vieillir avec moi, pour moi. Je ne l'ai pas usé. Je ne la veux plus maintenant. Si je ne me suis pas étranglé avec ma chemise, comme j'en ai eu 1 500 000 fois en vie pendant ces 15 ans, c'est pour retrouver une femme neuve et impérissable qui me réchauffe, une vie neuve et indéfinie qui me saoule. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je suis volé. Ah, non, calme-toi. Oh, comme tu es violent. Mais non, je ne suis pas violent. Si j'étais la moitié moins violent qu'il y a 15 ans, je l'aurais étranglé tout à l'heure pour être devenu ça. Mais tu es injuste. Ça n'est pas sa faute. Ça m'est égal. Ça m'étouffe de crier. Et elle m'a appelé son Ludion. Elle m'a dit qu'elle était ma femme. Ça, ma femme. Eh oui. Je la rêvais jeune. Jeune, magnifique, forte. Plus forte que moi. D'une santé arrogante de bête pour racheter mon teint pâle et mes bras maigres, avec un rire clair pour racheter ma tristesse. Il faut te résigner à cet état de choses. Les hommes de nos âges qui se sont mariés entre 20 et 30 ans ont des femmes du genre d'Adeline, et souvent plus flétries, je t'assure. La tendresse remplace tout. Hein? Quelle tendresse? Et puis, nous sommes entre camarades, et ils peuvent ne pas se contenter d'elles, que diable, hein? Il y a des filles de 20 ans qui correspondent exactement à ton idéal et qui auront pour toi toutes les complaisances. Je pourrais t'en présenter. Mais, et l'autre? Oh, avec quelques baisers, quelques attentions habiles. Moi, autrefois, à Exorgette, tu le sais bien, hein? Ah non! Non, je n'ai pas attendu 15 ans pour ça. Oh, ne fais pas le moraliste maintenant. Il n'est pas question de morale. Je ne sais plus ce que c'est que mentir, être aimable quand je n'en ai pas envie. Tu l'apprendras vite, il le faudra bien. Mais laissons ça pour l'instant. Je suis persuadé que dans quelques jours, tu y verras plus clair. Parlons de toi. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Tu n'as pas un sou. Ta femme n'a pas grand-chose. Va falloir songer à ta situation. Ma situation? Oui, oui. Je suppose que tu n'as aucun projet. Non. Bon. Tu tiens ton nom? Tu sais, je l'ai oublié, j'étais le 1248 là-bas. Parfait. Tu comprends, mon petit Ludovic, la peine purgée, tu reviens, ça nous fait à tous beaucoup de plaisir, mais tu tombes un peu parmi nous, comme un pavé dans une mare. Je commence à le voir. J'allais marier Anne-Marie au garçon que tu as vu. Il lui déplaît pas, il est très bien, et... ce qui n'est pas à négliger, une alliance avec sa famille peut m'être indirectement utile. Elle est belle, Anne-Marie. Oui, oui, oui. Il faut donc la caser. Gaston a été très habile. Il a pu gagner sa famille à son projet, malgré ce que cette union pouvait avoir d'un peu gênant pour eux à cause de toi. Si tu te fais remarquer, si ta conduite ne correspond pas à leurs désirs, ils vont tout casser. Il faut donc que, dans quelques jours, tu sois un tout autre personnage, susceptible d'avoir été à l'étranger et ayant une situation véritable. D'abord, tu vas prendre le nom de la mère d'Adeline, comme elle-même l'a fait. D'accord? Si tu veux. Bon, et travailler. Ça, je ne sais plus bien ce que c'est, travailler. Je me charge de l'apprendre. Voilà ce que j'ai préparé pour toi. Tu te doutes bien que le rôle brillant que tu tenais autrefois, tu peux plus le jouer pour l'instant, hein? Tu te rends compte aussi, j'espère, que sans moi, tu ne trouverais rien et qu'en récompense de mon geste, je suis en droit d'attendre rapidement de toi l'énorme effort qui t'est nécessaire pour te remettre dans le courant des affaires, connaître mes nouvelles méthodes, le nouvel aspect des marchés, etc. Oui, Guillaume, oui. Quoi, qu'est-ce que tu as? Non, excuse-moi, mais je mangeais à 5 heures, je me sens très faible. Et puis, toutes ces paroles si rapides qu'il faut comprendre après tant de silence. Oui. Attends, je m'assois. Oui, assois-toi. Mais nous allons à table et ça va se passer. Je n'entrerai pas dans les détails maintenant, rassure-toi. Mais néanmoins, je veux te poser une question, une seule, et avoir de toi une assurance. Voilà, je contrôle une maison d'exportation lyonnaise qui ne va pas. Or, elle peut faire beaucoup. Tous ceux que j'ai envoyés là-bas s'y sont cassés les reins. Il faudrait que j'y aille moi-même et, bien entendu, je ne le peux pas. Il n'y a qu'une tête comme la tienne qui puisse arranger ça. Veux-tu devenir administrateur de cette affaire? Nous aurons bien entendu quelqu'un qui signera pour toi. Je ne sais pas. Je suis étourdi. Et puis, c'est une bien triste ville, Lyon. Sans soleil. Non, mais tu veux rire, je pense. Ça n'a aucune importance. Je te donnerai l'argent correspondant au rang que tu dois tenir. Seulement, je t'avertis, c'est un travail terrible. Tu sais ce que c'est que de remonter un courant contraire. Hein? Tu l'as déjà fait autrefois. Il ne s'agit pas d'aller là-bas faire la bombe. Non. Ce que je te demande, moi, c'est 16 heures par jour au bureau et ton nez dans tous les livres. Mais ça n'est pas fait pour te faire peur. Hein? Tu as fait mieux. Alors, ça va? Mais tu crois qu'il faudra réellement que je reste 16 heures par jour enfermé dans un bureau? Pendant quelques mois, oui. Après, nous enverrons là-bas un type quelconque et nous trouverons autre chose. Moi, j'aurais rêvé de quelque chose à la campagne. Mais tu es fou. Mais on ne travaille pas à la campagne. Tu es un homme d'affaires. Tu as de l'aplomb, tu vois juste. Il faut reprendre le collier. Alors, écoute, j'aime mieux repartir. Qu'est-ce que tu dis? Non, j'aime mieux repartir. Comme... Adeline et le travail, l'ignoble travail de tous les jours, non, c'est trop bête. Je vais me promener, moi. Voir les bêtes, les plantes, avoir une fille qui me plaît au bras. Mais tu as perdu tout sens moral, tout sens social. Attends, je ne sais pas, mais j'ai simplement envie de me mettre à être heureux. Mais tu n'as pas non plus le moindre bon sens, pauvre idiot. Même si tu te moques de nous tous, toi, comment vivras-tu? Faut de l'argent pour vivre. Tu crois que les gens t'en donneront? Ah, c'est vrai, il faut de l'argent. Bon, tant pis. Je tâcherai de me débrouiller. La brebis est très fort. Moi, j'ai patiemment appris quelques petits trucs d'adresse dans ma cellule. Et j'ai pensé que nous pourrions peut-être faire quelque chose, je ne sais pas, dans les foires. Nous serions libres. Oh, de mieux en mieux, vraiment. Alors, adieu. Adieu, Guillaume. J'aime mieux partir sans revoir les autres. Tu leur expliqueras que je n'ai pas pu rester. Mais où te crois-tu? Et pour qui me prends-tu? Tu penses sérieusement que je vais te laisser faire toutes tes fantaisies et en subir les conséquences? Mais tu es fou. J'ai pris mes précautions. Dès que tu es monté à bord, j'ai fait lever l'ancre. Regarde, tiens, regarde. On voit presque plus les côtes. Et je t'avertis qu'on n'atterrira pas avant que tu sois devenu raisonnable. Oh, salaud. Alors, je suis prisonnier. Encore. Oui. Oh, salaud. Salaud. Ah, dis donc. Mais ça te trompe. Je suis plus fort que toi. Il faudra que tu manges quelques-uns des beefsteaks que j'ai l'intention de t'offrir avant de pouvoir, tu sais, m'abattre. Lâche-moi. Non. Lâche-moi. Je ne veux plus être prisonnier. Je ne veux plus de vous. Ni de votre vie. Allez, lâchez-moi. La brebis. La brebis. Allez, lâchez-moi. La brebis, vite. La brebis, au secours. Ah, mais belle gueule donc, pas comme ça. Quelques jours après, le soir. Quel est ce personnage qu'on reçoit avec tant d'empressement? Un drôle de vieux clown, assez brave, le docteur Bonneville. Le célèbre laryngologiste? Non, le célèbre laryngologiste est mort. Celui-là, c'est le docteur Marcelin Bonneville, son fils. Ah. C'est un ancien ami de Ludovic. Mais comment se fait-il qu'on ne vous ait pas expliqué son rôle? On mise gros sur lui, pourtant. On espère qu'il va tout arranger. Non, c'est que vous avez jeté la bombe hier, mon petit Gaston. Moi? En disant à mon oncle que si Ludovic persistait dans son attitude scandaleuse, ce sont vos mots, il se pourrait que sous la pression de votre famille, vous vissiez obligé de... Oh, Gaston. Gaston, je ne sais pas si nous nous marierons, mais j'espère que dans l'intimité, vous renoncerez aux formules. Il y a des nécessités désespérantes qu'on ne sait comment annoncer, ma chérie. Non, je vous en prie, mon vieux. Rien n'est encore sûr. Vous m'appellerez ma chérie si mon beau-père sort du fumoir. Mais enfin, pourquoi s'est-il barricadé là-dedans avec ce voyou? On ne vous approchez pas trop près, il jette parfois des bouteilles par la fenêtre. Ah. Non, il s'est enfermé parce qu'il n'était sans doute pas très content de notre accueil. Moi, je trouve ça très crâne. Ah, c'est surtout abominable. Enfin, à quoi cela peut-il aboutir? À retarder la marche de notre union ou à l'arrêter, voilà non, tout. Notre union, si elle marche, n'a pas besoin de marcher au pas de chasseur. Et si elle s'arrête, vous ne vous suiciderez pas, Gaston. Vous ne ferez pas un massacre parmi votre famille. Ma chérie, vous êtes méchante. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler ma chérie. Je veux bien jouer un peu, mais ne pas en confondre les règles. Je ne vous ai pas découverte toute seule au cinéma. Je ne vous ai jamais embrassée sur la bouche. Je n'ai pour vous aucune sorte de sentiment excessif. Et je trouve que c'est très bien ainsi. À condition que nous ne feignions rien d'autre. Il me semble que depuis 3 jours... C'est cette atmosphère de scandale où nous vivons à cause de lui qui vous bouleverse sans doute. Vous me parlez avec beaucoup moins de gentillesse, Anne-Marie. Il est cause de ça, lui aussi, cet individu qui ose. Enfin, je ne trouve pas les mots. C'est une chance. Je vous défends de rien dire sur lui. Mais qu'avez-vous? D'ailleurs, voici son ami Marcelin qui va tout arranger. Ludovic va sortir de son fumoir, devenir un homme comme les autres, et nous n'aurons plus l'occasion de nous disputer à son sujet. Je le souhaite. Pas moi. Mais je m'y attends. Gaston. Non, je vous en prie, Gaston. Restez. Monsieur Gaston Dupont-Dufort, le fiancé d'Anne-Marie, le docteur Bonneville, le meilleur ami de Ludovic, sur l'influence duquel nous comptons beaucoup. Je suis très honoré, monsieur. Enchanté. Ma petite main. Anne-Marie, je te félicite et je t'embrasse. Merci d'être venu, Marcelin. Oh, merci, encore une fois, merci, mille fois, merci. Je ne vous cache pas, mon cher, que j'ai peur que vous échouiez comme nous. Nous sommes dans une situation désespérée. Ce jeune homme pourra vous le dire, il s'adore, ses enfants et leur union risque d'être brisée. N'est-ce pas monstrueux? C'est un monstre. C'est un adorable monstre. Oh, Marcelin, il a conservé ses yeux bleu-gris et un regard... Oh, un adorable regard d'ange. Mais c'est un monstre. Et vous savez ce qu'il a amené avec lui? Un bagnard, un véritable bagnard. Ouais, excusez-moi, mais vous parlez tous. Je ne vous suis plus. Voyons, voyons, je reçois, cher ami, un télégramme où vous me dites, enfin, ce sont vos propres termes. Voyons, le télégramme. Yacht, ancré Toulon, accouré, il y va de l'avenir de Ludovic. Enfin, de l'avenir de Ludovic et du nôtre, de celui de toute la famille. Non, maman, laissons-le. Si ça peut lui faire plaisir de revoir M. Bonneville, il vaut mieux que ce soit tout de suite. Attends, ma petite, attends. Marcelin débarque, il ne sait encore rien. Laisse-nous le mettre au courant de la situation. Non, je ne vous cache pas, cher ami, que je préfère souffler un peu. Oui. Une rencontre après de tels événements est toujours une chose pénible, quelle que soit la joie qu'on puisse avoir, naturellement. Il est très maigre. Je n'ai pas encore pu le voir tout nu, mais il a la figure très maigre. Au fond, c'est pas son bonheur. Moi qui me drogue pour maigrir. Oui. Écoutez, mon cher Marcelin, on sert le dîner. Préférez-vous le voir avant le repas ou après? J'aurais préféré après, mais on a dû l'avertir de mon arrivée. Bien sûr. Alors je me ferai un scrupule de ne pas le faire attendre. Pauvre a tellement attendu. Oh, vous êtes bon, Marcelin. Mais non, ma chère Adeline, oh, si pénible qu'il soit, c'est mon devoir le plus simple d'amis. Là. Où est-il? Là, dans le fumoir. Il fume? Oh, le pauvre a tellement dû en être privé. Non, il ne fume pas. Il s'est barricadé dans le fumoir et refuse d'en sortir. Que me dites-vous? Il s'est enfermé avec un forçat qui l'a ramené pour m'empêcher de mourir tranquille. Mais nous vous avons télégraphié parce que hier soir, comme nous venions une fois de plus le supplier de sortir, il nous a passé sous la porte un papier portant ces 3 mots, son premier signe de vie, « Faites venir Marcelin ». Mais enfin, qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ça, nous l'ignorons. Mais enfin, vous étiez son meilleur ami. Sans doute, mais Adeline... Moi, j'ai tout tenté, mon cher, tout tenté. J'ai d'abord cru qu'il avait changé de goût, de tempérament. Alors je me suis dit, fini la femme forte, ardente, que vous connaissez. Il a peut-être envie d'une amoureuse effarouchée, doublée d'une petite bonne femme d'intérieur. De l'âme transformée complètement, il n'y avait qu'un pas, je l'ai franchi. En une nuit. Regardez-moi, je suis devenue une autre. Et alors? Ça a raté. C'est raté par ta faute, Guillaume. Parce que tu ne m'as pas laissé continuer. Comprenez-moi, vous, cher Marcelin, puisque ce n'était pas cette personnalité qui lui convenait, je voulais en essayer une autre, la force, la violence, l'agressivité, une petite pointe de canaillerie, même. Ah oui? Oui, des sentiments qui, en somme, correspondent à tout un bas-fond de mon être. C'est peut-être dans ce bas-fond que nous nous serions rencontrés. Ah, on ne sait pas, le monde est si petit. Eh bien, mon cher, ils m'en ont empêché. S'ils m'avaient laissé faire, ils seraient à mes pieds. À vos pieds? Pas à mes pieds, ça je ne le permettrai pas. Je ne permettrai pas ça à cet homme que j'admire. Mais sur mon cœur. Oui, ah. En tout cas, il est encore dans le fumoir. Aussi, Marcelin, nous n'avons plus foi qu'en vous. Si vous échouez, ça sera la force. Parce qu'il faut que ce mariage se fasse et son attitude le compromet. Vous voyez où nous en sommes. Hein? Vous êtes son ami et vous êtes médecin. Nous comptons sur la double influence que vous pouvez avoir. Nous comptons aussi vous demander un diagnostic, car enfin, si cet état persiste, nous ne pouvons pas le garder. Vous le croyez fou? Ah, ou pire. Ou pire? J'ai peur qu'il ait pris dans sa prison des idées d'extrême gauche. Je m'obstine à croire que vous exagérez sûrement tous. Allez, voyons, souvenez-vous, il avait autrefois des colères terribles. Il nous quittait plusieurs jours sans donner de nouvelles. Oui! Mais à cette époque, il était riche et libre. Ça pouvait passer pour de la fantaisie. Après ce qui est arrivé, le moindre geste de lui va être interprété dans le plus mauvais sens. Non, non, non, il faut que ce scandale cesse, Marcelin. Il faut qu'il sorte de là-dedans, qu'il reprenne son rang parmi nous ou qu'il soit déclaré malade. Un malade, c'est gênant, mais enfin, dans une famille, on peut avouer un grand nerveux. Je vais lui parler. Mais s'il n'est pas fou, il est libre d'agir à sa guise. Hein? Alors, vous m'avez écrit l'avenir de Ludovic. Eh bien, mon cher, vous croyez que c'est un avenir de rester enfermé dans un fumoir? Mais non, bien sûr. Ah, soudain, j'ai un scrupule. Faites-le taire, mon cher, pour moi. Et rendez-le moi, dites. Même malade, je le soignerai si bien. Je m'habillerai en infirmière, comme pendant la guerre, tout en blanc. Oh, tout ça est horrible. Allez, nous vous laissons, amis. Venez, mes enfants, venez. Allez, oui, venez, venez, mon, venez. Mon cher Marcelin, nous allons vous attendre au salon. Je vais faire retarder le dîner. Et bonne chance. Mais vous croyez qu'il n'y a aucun danger à tenter de... Enfin, il est très monté. Non. Nous, il nous jette des bouteilles. Il parle de tirer à travers la porte. Mais vous, n'est-ce pas, vous êtes son ami. Ah oui, mais enfin, il y a si longtemps. Et puis, en somme, l'autre, le bagnard, je ne le connais pas du tout. Mais non, voilà, à tout à l'heure, mon ami. Ludovic, c'est moi. Qui, toi? Bah, Marcelin, ton vieil ami Marcelin. Tu te souviens de ton vieux Marceau? D'ailleurs, tu as demandé qu'il vienne. Tu l'aimes bien. Es-tu seul? Oui, je suis seul. Tu me le jures? Ah oui, je te le jure. Je n'ai d'ailleurs aucune foi en ta parole. Tu es seul sur le pont, mais est-ce que les autres ne sont pas cachés quelque part? Oh, Ludovic! Comment peux-tu douter de moi? Tu m'aimes bien, Marcelin, enfin, je l'imagine. Mais si on a versé quelques larmes devant toi et soupiré que c'était pour mon bien, je te crois très capable de me trahir. Écoute-moi bien, mon petit Marcelin. Je suis enfermé depuis 3 jours dans ce fumoir, je n'ai vu personne. Si j'ai demandé qu'on te fasse venir, toi, c'est d'abord parce que j'ai besoin de te parler, ensuite parce que je n'ai pas les mêmes raisons de me méfier de toi que d'eux. Mais si, avec ton consentement ou à ton insu, ils se sont cachés pour nous épier, avertis-les. Au premier qui se présente, je tire. Je ne suis pas d'humeur à jouer au chat. Oh, mais ils sont sortis, je peux te l'assurer. Et ils m'ont dit qu'ils nous laissaient seuls. Bah, Ludovic, si quelqu'un venait à l'improviste, tu n'as aucune raison de tirer sur moi, n'est-ce pas? Pas sur toi, non. D'ailleurs, je ne veux tirer sur personne. Si j'avais eu assez de colère pour faire ce geste, il serait fait depuis longtemps. Je ne suis même plus en colère, Marcelin. Ah, mais c'est bien ça, c'est bien. Oui, seulement, je veux qu'on me fiche la paix. Ah, tu sais que de moi-même, je ne serais pas venu, ils m'ont télégraphié. Ah, au moins, tu es franc, toi. Tu avoues qu'il ne te tardait pas de me voir. Ah non, tu me comprends mal, Ludovic. Tu vois, tu te mets tout de suite en colère. Là. Je veux dire que je ne serais pas venu tout de suite pour ne pas t'importuner. Ils m'ont télégraphié qu'il s'agissait de ton avenir. Ils ont des mots choisis. Mais d'ailleurs, c'est vrai, il s'agit de mon avenir. Ah, un télégramme. Tu comprends, Ludovic? Ça ne se vérifie pas. J'ai cru que tu étais malade. Tu te sens bien? Très bien. Pas mal à la tête? Non. Non, la lumière, le premier jour, m'a fait mal, mais c'est passé. Oui, au début aussi, j'ai tout fait. Il fallait que je mette mon mouchoir devant ma bouche pour parler. Mais je commence à avoir envie d'air. Ah, tiens, tiens, je te présente la brebis. Oui, c'est mon copain. Ah, enchanté, monsieur. Attends, il est muet. Et lui ne doit pas être enchanté, il déteste les hommes de ton genre. Il est dangereux? Non, non, non, il suffit de le connaître. Tiens, tu as des cigarettes? Oui. Bon, donne-en, donne-en quelques-unes. Voilà. Va, voilà, va fumer la brebis. Va. Ah, il est brave. Et viens ici que je te regarde, toi, Marcelin. C'est extraordinaire. Non, non, non, n'aie pas peur comme ça. Moi, je te ferai pas de mal. Tu étais content de savoir que je sortais? Eh bien, figure-toi que je ne t'attendais qu'au printemps prochain. Tu n'as pas fait tout ton temps. Tu es bien gentil. Moi, j'ai coché les jours un à un et je t'assure que j'ai fait mon temps. Ça a été long. Plus long que tu ne peux l'imaginer. 15 ans. Raconte-moi. Non, mais tu es drôle, toi. Tu crois que je reviens d'un voyage? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Il ne m'est rien arrivé. Et quelles impressions, tout de même. On croit ça, oui, les premiers jours, mais très vite, on n'a plus aucune impression. Mais tu pensais chaque jour, normalement, à quoi? C'est un peu le médecin qui te parle. Tu n'avais pas d'obsession? Non, écoute, si nous parlions d'autre chose, pour me changer un peu. Si j'ai eu l'idée de demander à Guillaume de te faire venir, ce n'est pas pour te raconter mes petites histoires. J'ai autre chose que ton attention à obtenir de toi. Voilà, Marcelin. Je vais prendre une décision grave. Quand? Tout de suite. Et avant de prendre cette décision, je veux te parler. Pour être sûr que j'agis à bon escient. Et qu'est-ce que tu vas me demander? Rien d'extraordinaire, rassure-toi. Voilà, j'ai besoin de savoir ce que tu as fait, toi, pendant ces 15 ans où je ne faisais rien. Moi? Oui, toi. Toi, homme libre. Qui était mon ami, qui me ressemblait, et avec qui je partageais ma vie, mes joies, mes femmes. Et toi qui as pu continuer, qu'est-ce que tu as fait? D'abord, j'ai beaucoup pensé à toi. Ah, très bien, merci. Alors, passons. J'espère que tu avais d'autres occupations. Ah, forcément, la vie. La vie, voilà, la vie. C'est ça, justement, que je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la vie? Allez, dis vite, vite, vite. Elle m'a fait vieillir d'abord comme tout le monde et grossir. Tu as pu le constater. Pourtant, tu sais, depuis 2 mois, je maigris. Je fais de la culture physique. Non, je ne plaisante pas, Marcelin. Ce que tu vas me dire est très important pour moi. Je te conjure de chercher bien ce que tu as fait, tout ce que tu as senti et de me l'expliquer avec le plus de détails possible. Ah, mais allez, allez, vite, vite, commence, commence. Voilà. Mon cabinet a marché assez bien, oui, j'ai gagné un peu d'argent. J'en ai dépensé beaucoup. Bon, bon, et puis? Eh bien, et puis... Mais veux-tu que nous prenions l'ordre chronologique? Ça m'est égal. Ah ben bien, alors quelques temps après ton départ, j'ai eu un gros coup de veine à la bourse, avec les bas coups. Bon, après? Eh ben après, j'ai tout reperdu, avec des phosphates. Oui, après, voyons, dis surtout les grandes lignes, ce qui a été fort. Ne choisis pas, laisse-toi emporter. Allez, vite, vite, vite. C'est donc si pressé. Oui, oui. Tu es un original. Et pardon, après divers coups de bourse, j'ai renoncé à jouer. Ah non, non, monsieur, tu gagnes un peu d'argent, tu as quelques rentes, et tu attends 2 ou 3 héritages, jouis paisiblement de cette aisance qui, en somme, te suffit. Oui, oui, et alors? Eh bien alors, je n'ai plus joué. Oui, mais après! Après, tu ne vas tout de même pas me parler que de tes petites histoires d'argent. Passe à ce qui a de l'importance. Tes joies, tiens, tes grandes joies de ces 15 ans, ou tes malheurs, enfin, ça m'est égal. Moi qui n'ai rien eu, je suis aussi avide des uns que des autres. Et ben après, un malheur, tiens, justement. J'ai perdu mon père. Et puis? Et puis, quelques mois plus tard, j'ai perdu mon oncle. Mais non, ben, passe les morts. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ben, tu es drôle que je te dise... Je ne suis pas marié, j'ai continué, j'ai eu des maîtresses, naturellement. Beaucoup. Et pas longtemps chacune. Mais tu en as aimé? Oh, des cocottes. Elles ont d'ailleurs toutes trompées avec mes amis, sauf une. Mais elle était laide, je l'ai quittée. Oui, et puis, enfin, tout ça t'a pris quelques mois seulement sur ces 15 ans. 15 ans, hein? 15 ans, Marcelin. Ben, ça passe plus vite que tu ne le crois et tous les jours se ressemblent. Voyons que tu... J'ai été au théâtre beaucoup. Oui, et puis? J'ai fait un petit voyage. Ah! Oui, oui, la Méditerranée. Italie, Grèce, Égypte... Bon, alors? Ah, épatant, mon vieux. Quoi? à ce voyage. Extraordinaire. Oui, oui, mais encore. Elle a dit quelque chose. Formidable. Oui. Enfin, la vie se réduit donc à des mots pour des hommes libres. Moi qui n'ai connu que la même tache de lumière sur un mur pendant 15 ans, je peux te dire qu'elle était verte les soirs d'orage, rose les soirs de juin, d'un certain gris les jours de pluie et d'un autre imperceptiblement plus gai les jours de neige. Mais parle, dis-moi autre chose que des mots de bazar. Tu vois que je suis avide de savoir ce qu'on m'a volé au juste. Allez, parle, dis. Quoi, tu t'es arrêté seul peut-être un soir dans une ville que tu ne connaissais pas, hein? Tu as erré dans les rues? Oh, tu sais, nous étions en bande. Hein? Oh, des hommes très, très, très cultivés, des femmes charmantes. Adieu, j'ai pu les faire rire. Non, mais pas ça, pas ça. Voyons, d'ailleurs, les voyages dans l'espace sont à la portée de tous les imbéciles. Et puis, le pittoresque me donne mal au cœur. Mais tu as tout de même fait d'autres voyages, j'imagine, sans bouger ta peau. Des voyages au fond d'un être, au fond d'une foule. Tu as vécu libre au milieu des autres. C'est un voyage pour chaque jour, ça. Oh, tu sais, les gens ont si peu d'intérêt. J'ai gardé quelques bons amis, oui. Nous nous aimons bien. Et nous nous faisons les petites crasses habituelles. Alors, passe, passe. Et qu'est-ce que tu as fait encore? Bah, je t'ai dit que, voyons, j'avais perdu mon père. J'ai eu mal au foie. Rien de grave. J'étais à Vichy. Et puis... puis tu sais, je crois que c'est à peu près tout. Comme tu me regardes. J'espère que je n'ai rien dit qui puisse te peiner, te vexer. Tu es sûr que c'est tout? Bah, à peu près, oui. Pas un amour? Pas une haine? Pas un enthousiasme pour une idée ou pour un être? Mais comme tu es devenu romanesque. Pas même un dévouement? Oh, je suis un vieil égoïste. Et alors, tu dois être épouvantablement triste, toi aussi. Pourquoi? Mais diable, non. Ce sort te paraît peut-être médiocre. J'en suis content, moi. J'estime avoir rempli mon temps joyeusement, mais honnêtement aussi, sans faire de mal à personne. Même pas ça. Tiens, je n'ai pas le même estomac. Voilà, voilà tout ce que je regrette. Bon, alors assez, maintenant. Mais qu'est-ce que tu as? Assieds-toi. Non, non, tu t'agaces pas, ne t'agaces pas, là, je m'assieds. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Nous nous ressemblions comme deux frères. Nos joies, nos préoccupations étaient les mêmes. Voilà donc sans doute l'homme que je serais devenu. C'est horrible. Enfin, je ne l'ai pas rêvé, nous étions amis. Mais bien sûr! Pourquoi me dis-tu ça, voyons? Ne faisons pas de sentiments. Tu verras tout à l'heure que je n'ai aucune raison d'en faire. Je me documente, tout simplement. Tu as mon âge. Hein? Je ne me trompe pas. Oui. Bon, et nous étions amis. Tous mes souvenirs me le disent. Nous étions étroitement amis, pas seulement camarades, non, une sorte de communauté intellectuelle. Je te ressemblais. Je te ressemblais sûrement. Et nous avions déjà 30 ans. Nous étions à l'âge où la ligne de la vie est tracée. Alors, nous n'avions aucune raison de changer. Ben non. Je serais donc sûrement devenu comme toi. Ben oui. Pourquoi me demandes-tu ça? Alors c'est donc ça, vivre? Ce n'est que ça, vivre libre? Ah, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Tu étais jeune, riche, libre, tout était possible, comme tout m'aurait été possible, et tu n'as fait que ça. Et je n'aurais fait que ça, moi aussi, j'en suis sûr. Ludovic! Ah, je le savais. Je le savais. Quelle folle imagination a pu me faire espérer une minute le contraire. C'est cela que j'aurais été. Et que je serais peut-être. Ludovic! Je ne serais même pas avare, même pas vicieux, même pas brutal. Mais... naturellement, j'en suis fier. L'équilibre. Tiens, Goethe, par exemple. L'équilibre. Mais l'équilibre, c'est dompter de trop grandes forces et survivre à leur tempête. Ça n'est pas d'être plat comme une flaque d'eau. Ah, votre équilibre, je le vois. Je le vois. J'en aurais eu de l'équilibre, moi aussi. Oui. Voyons, Marcel. Tu es tout de même sûr que tu n'as rien fait d'autre? Hein, tu te rappelles peut-être pas bien. Quelle est la date de ta naissance? La date de ma naissance? Ouais. Tu l'as oublié? En quel millésime sommes-nous? Qu'est-ce que tu me racontes, là? Non, tu n'as pas le sentiment qu'on se ligue contre toi? Qu'on cherche à te nuire? Ah, non, non, non. Laisse tes petits trucs de psychiatrie, je t'en prie. Je ne suis pas fou. Je suis raisonnable, Marcelin. Tu vas le voir. Épouvantablement raisonnable. Voilà. Cette décision, sur laquelle j'espérais sans trop y croire, que tes paroles influeraient, elle est prise maintenant. Ah, ah, je t'ai convaincu. Hein. Oui. Oui, tu m'as convaincu. Mais pas du tout de ce que tu crois. Voilà, Marcelin. C'est comique de te dire ça à toi, de dire ça à l'homme que tu es devenu. Ludovic. Oui, quand je t'imaginais dans ma prison, c'était sous les traits d'une photo. Une photo de toi, c'est que j'ai eue. Tu as 20 ans. Tu es dans les tranchées, sale, barbu. Et tu as sur la figure une sorte de bonté grave et résolue que devait te donner la compagnie journalière du meurtre et que la vie douce t'a enlevée. Eh bien, je vais tâcher de ne pas te regarder et de parler à ce Marcelin-là. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? Eh bien, je vais te parler de la brebis. Hein? Oui, la brebis, mon copain. Là. Voilà, quand je suis sorti de prison, je me croyais fort. J'étais ivre de n'avoir plus de caste, de pays, d'amis, d'être enfin dur et seul. Eh ben, ça n'a pas été long. Il a suffi que je traverse la place et que je lise un petit papier que me tendait ce pauvre bougre pour que je m'embarrasse de lui. Tu entends? Et c'est magnifique. J'avais payé ma liberté de 15 ans de supplice. Mon premier geste d'homme libre a été de la perdre. Quand je suis arrivé ici, j'ai si vite compris quelle était la vie qui m'attendait, que je reste avec eux ou que je m'en échappe, pauvre révolté sans argent, que j'ai eu envie de me flanquer une balle dans la peau. Je ne l'ai pourtant pas fait, ce geste élémentaire de liberté. Sais-tu pourquoi? Non, parce que j'ai pensé que si je laissais la brebis seule au monde, on le remettrait en prison au bout de 8 jours. Ou bien qu'il crèverait de faim. Mais c'est très bien. Très bon, Ludovic. Non, monsieur, j'en suis pas fier. Mais pendant 3 jours... j'ai eu le courage de ne pas me tuer parce que je le regardais manger et boire. Ces deux simples choses qu'il avait espérées en vain toute sa vie. Mais tu es venu, Marcelin. Tu es mon ami, tu me l'as répété. Pour prix de cette amitié, je vais te demander quelque chose qui va t'effrayer d'abord, mais qui n'est rien. Tu vas prendre la brebis avec toi. Comment ça? Oui, tu vas prendre la brebis avec toi, mais pas dans ta chambre. Bien sûr, pas à ta table. Dans ton office. Dans ton jardin. Il peut très bien faire bonnet de jardinier. Non, écoute, je vais réfléchir. Non, non, non, non, non. C'est promis. Il te fera peur les premiers jours, mais ce n'est que sa mine. C'est le meilleur bougre du monde. Je vais aussi te demander de t'en charger tout de suite. De veiller à ce qu'on ne lui fasse pas de mal, parce que tu vas sauter, mon pauvre Marcelin, mais il faudra bien que tu t'habitues à cette idée. Je n'attendais que ça pour me tuer. Qu'est-ce que tu dis, Ludovic? Allez, allons, assieds-toi, je t'en prie. Il vaut beaucoup mieux apprendre assis les nouvelles tragiques. Ça évite certains gestes ridicules. Oui, Marcelin, maintenant que j'ai assuré le sort de la brebis, je vais me tuer. Ah, c'est malin. Et tu m'as fait venir pour me dire ça. Voyons, t'entendre parler ainsi, toi, toi qui as devant toi toutes les joies d'une magnifique intelligence. Oh, tu sais, mon intelligence, j'en ai assez, on n'en vit pas de ce truc-là. Mais les joies du travail, le travail que tu aimais tant autrefois, voyons, tu accumulais affaire sur affaire. Mais il y a eu un malheur, les hommes m'ont condamné à ne pas travailler pendant 15 ans. Ah, il faut bien ça pour déraciner cette sale habitude de la peau. Mais maintenant c'est fait, je ne pourrai plus travailler, je n'aime plus que jouer. Eh ben, mais le jeu, voilà une distraction. Quand tu auras de l'argent. Je ne parlais pas de ce jeu-là, non, mais de jeux plus simples qui ne sont plus permis à mon âge et qu'on ne saurait plus jouer que seul dans une prison. Ah, si j'étais encore petit. Mais avec de l'argent, voyons, on peut tout, Ludovic. Sauf redevenir petit. Et puis, tu oublies une chose, c'est que je n'ai pas d'argent. Mais Guillaume est tout prêt à te faire une place dans ses entreprises. Je n'ai plus la force d'acheter de l'argent à ce prix-là. Ne cherche pas d'arguments, mon vieux, le temps passe et on a beau être froidement résolu, c'est énervant. Je serais propre après si je n'avais plus le courage. Mais c'est épouvantable. Tant c'est épouvantable de t'entendre parler ainsi, Ludovic. Je t'assure que tout le monde t'aime, ta femme. Oui, oui, mais, oui, mais c'est horrible, elle est si vieille. Mais non, mais non, et puis tant pis, tu crois que tu n'auras pas les jeunes aussi? Oh, sans doute, mais qui ne les a pas? La petite Lucienne, la femme de Baricot, a déjà essayé de coucher avec moi, et pourtant j'étais barricadé là-dedans, dans ce fumoir. Elles étaient si magnifiques, les femmes, même les plus bêtes. Mais c'est vrai, c'était peut-être une raison de vivre. Ah, tu vois, tu vois. Ah, ah, tu, je suis content, mais tu vois. Ah, tu vois. Non, seulement, mon petit Marcelin, tu sais de quoi se compose le menu ordinaire d'un condamné à la réclusion. Hein? Eh bien, je ne suis même plus un homme, mon vieux. Mais il y a des remèdes, tu sais. Oui, oui, mais ça me dégoûte un peu de me raccrocher à ça et... par des remèdes. Alors, faisons vite. Allez, emmène la brebis. Mais non, là, c'est trop horrible. Je vais les appeler, leur dire, non, je veux pas. Ah non, écoute, tu serais un sale type, Marcelin. Tu n'as pas le droit de m'enlever cette chance. Et puis, tu n'auras pas le temps de les appeler. Tu crois qu'il faut longtemps à un homme qui a envie de mourir? Oh, Ludovic, Ludovic. Oui. C'est difficile, hein, quelquefois, l'amitié. Ah tiens, mais justement, l'amitié, mon amitié, il te reste ça. Ah non, dis pas de bêtises. Allez, voilà. Ouais, tu vas emmener la brebis. Tu vas leur dire que je me rends à leur raison, que je vais descendre, mais que je demande un instant. Et veille aussi à ce qu'ils traitent bien la brebis. Mais, allez, je ne veux pas allonger ton supplice, soyons, il est 9h moins 10. Eh bien, à 9h, tu peux remonter, ce sera fait. Non, dis Ludovic, non, dis, c'est pas vrai. Allons, ne pleure pas. Tu es bien trop grand et trop vieux pour ça, Marcelin. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, voyons? Tu n'aurais pas dû me dire ça. Ah non. Tu n'aurais pas dû me dire ça. Non, ça, je n'aurais pas dû te dire ça. Non, mais d'ailleurs, écoute, Marcel. Je ne vais pas me tuer. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai réfléchi, c'est idiot. C'était pour rire. Tiens. C'était une épreuve pour voir si tu étais un bon ami. Voilà, je ne veux plus me tuer. Ah non, mais essuie tes yeux. Tout redevient simple maintenant. C'était pour rire. Mais c'est fini. Tu es sûr? Mais sûr. Ça t'enlève un poids, hein, mon pauvre vieux. Ah, oh, bah, je te crois, là. Ah, bien d'ailleurs, veux-tu que je te dise? Enfin, je t'ai jamais vraiment cru. Mais dis donc, si c'est fini, tu vas descendre avec moi les retrouver. Mais bien sûr, merci. Alors, viens vite, allez, vite. Oui, tiens, attends. Dis donc, je préférerais que tu descendes avec la brebis d'abord, oui, parce qu'avant de les affronter, je voudrais être un peu seul pour réfléchir. Pour réfléchir? Eh oui, Marcelin, pour réfléchir. Fais pas ces yeux ronds. Je t'ai dit que je ne voulais plus me tuer. Mais il vaudrait peut-être mieux que je reste dans un coin. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Et va donc à table. Guillaume a dû te préparer quelques bonnes bouteilles. Mais d'ailleurs, puisque c'est pour réfléchir, bah, je n'ai aucune raison d'empêcher de réfléchir. Ben aucune, mon vieux, aucune. Allez, allez, va vite. Alors, à bientôt. À bientôt. Et dis-nous, va d'abord te laver la figure, tu sais, on voit que tu as pleuré. Ben oui, nous t'attendons à table, hein? Oui, je viens. Et voilà. Léon, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu t'en aller? Lâche-moi, allez, j'ai bien le droit de me foutre à l'eau si je veux. Mais lâche-moi, nom de Dieu! Quoi, tu ne vas pas me tenir, là. Tu ne vas pas m'empêcher de tout faire, toujours! Je suis libre, moi! Je suis libre! Ah, ah, ah. Le lendemain matin. Ici, Justin, ici, au grand air. Là. Merci, mon ami. Tu as envie de déjeuner, toi? Sache que le déjeuner n'est pas pour moi, mais pour lui. Il a demandé à déjeuner, Guillaume. Il veut sortir, respirer l'air. Oh, je suis follement heureuse. Comment, tu lui as parlé? Non, c'est Marcelin qui est sorti de la cabine une minute pour me dire ça. Oh, j'ai reçu un coup terrible. Mais qu'est-ce qu'il t'a donc dit? Dis n'y pas, ce qui m'a digné pour rien. Je veux dire un coup sur le front. Ah, oui. J'étais justement en train de regarder par le trou de la serrure. Il a ouvert la porte très brusquement. Oh, tu seras toujours ridicule. Une femme, après 15 ans d'attente, n'a-t-elle pas le droit de faire l'impossible pour revoir son mari? D'ailleurs, je ne le voyais pas, je ne voyais que la nuque de Marcelin. Lorsqu'enfin il a daigné se déranger, j'ai entrevu la main de Ludovic sur le drap. Sa chair longue, maigre main. Oh, quel moment! Malheureusement, il a été trop court. Marcelin s'est levé pour sortir, et tu sais la suite. Mais non, précisément, je ne sais pas la suite. Qu'a-t-il dit? Qui, Marcelin? Oui. Oh, le pauvre, il était tellement surpris et navré qu'il en avait perdu la parole. Enfin, il m'a redonné une compresse d'arnica et il m'a mis au courant de la situation. Voilà. Il a passé la nuit avec Ludovic, il lui a montré les dossiers de Lyon, il l'a convaincu, il nous revient, et voilà. Tu es content? Ça dépend. Je suis content s'il passe par mes conditions. Oh, tes conditions, tu vas tout de même attendre qu'il ait déjeuné pour lui en parler. Oh, dis-moi, je ne me rappelle plus très bien s'il met des confitures. Toi qui as une excellente mémoire. Mais je t'avouerai que je la consacre à autre chose. Mais c'est extrêmement important. Crois-moi, dans une situation pareille, tout est dans le premier contact. Voyons, j'en mets ou je n'en mets pas. Oh, j'en mets. De toute façon, ça aura l'air d'une attention. Et puis, s'il n'aime pas ça, ça sera pour l'autre. Quel autre? L'autre, le bagnard. Comment? La seconde tasse, c'est pour lui? Mais bien sûr. Mais tu es folle. Guillaume, cet homme est depuis 9 heures le sauveur de mon mari. À 9h05, quand je l'ai su, j'avais cessé de le juger. Ma petite, je suis très reconnaissant, comme toi, ce gaillard, d'avoir empêché ton mari de se jeter à l'eau hier soir. Mais moi, ça ne m'empêchera pas de le faire déjeuner à l'office. Avant de toucher à ce café au lait, il faudra que tu me passes sur le corps. Moi vivante, il déjeunera ici. Oh, très bon. Oh, j'avais pas l'intention d'en arriver là. Merci, Guillaume. Dans le fond, je sais que tu es bon, va. Oui, ça y est, tout s'arrange. J'ai passé la nuit avec lui. Ah. Il accepte tout. Tout? Tout. Oui, tout. Enfin, je le pense, tout. Parce que je ne lui ai parlé de rien. Enfin, je veux dire que je me suis surtout employé à lui redonner un peu de confiance dans la vie. Pour les détails, je m'en charge. Non, c'est-à-dire, il faudrait peut-être mieux, pour la première fois, je ne voudrais pas avoir l'air de lui avoir menti. De lui avoir menti? Qu'est-ce que vous lui avez donc raconté? Tenez, par exemple, vous, Guillaume, je lui ai dit que vous étiez un grand cœur. Mmh. Oh, et sur moi, que lui avez-vous dit? Je lui ai seulement dit votre peine immense. Et j'eus tort. Oh non, mon ami. J'ai aussi expliqué combien nos trois cœurs étaient restés unis dans une même pensée, la sienne. Comment nous parlions de lui chaque jour, religieusement. Chaque jour, religieusement. Oh, continuez, Marcelin, dites tout. Alors, j'ai surtout attiré son attention, oui, sur Anne-Marie. Ah. Je lui ai dit qu'elle adorait ce garçon, qui était, naturellement, sa seule chance d'être casée. Mais surtout, parce que je savais que ça le bouleverserait, et combien elle l'adorait. Mais tout cela est d'ailleurs rigoureusement exact. Alors, qu'a-t-il dit? J'avais touché juste. Il a été très ému. Il avait l'air rempli de honte d'avoir risqué par son attitude de briser ce jeune amour. Je crois même que c'est à partir de ce moment qu'il s'est décidé à revenir. Mais vous ne lui avez rien dit d'autre? Ah si, mais c'est insensé, je ne peux pas me le rappeler. Oh. Figurez-vous que je m'endormais. Je ne peux pas veiller si je ne soupe pas. Plus fort que moi. Je m'endors. Alors, je suis extrêmement fatigué ce matin. Et j'ai une faim. Ah non, levez-vous. Mais pourquoi? Ces déjeuners sont pour eux. Ah oui, mais nous? Tout à l'heure. D'ailleurs, les voici, tenez. Oui, alors je vous en prie, sortez une minute. Hein. J'aime mieux le préparer par, oui, quelques mots encore. Oui, bon, oui. Bon. Alors, tu es prêt? Je suis prêt, oui. Ça te réussit d'avoir envie de vivre. Tu as une bonne mine pour quelqu'un qui n'a pas dormi de la nuit. Et qu'en sais-tu? Comment est-ce que j'en sais? J'ai passé la nuit à te parler. Tu m'as parlé jusqu'à 11h15 et je t'ai réveillé à 5h du matin. Qu'est-ce que tu racontes? Et la vérité? C'est effrayant. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Tu m'avais sans doute donné envie de vivre, puisque je ne me suis pas sauvé. Je t'ai regardé dormir. J'ai pensé à ce que tu m'avais dit. Tiens, j'ai regardé les dossiers de Guillaume. Anne-Marie n'est pas encore levée? Tout à l'heure. Ah, c'est beau, Marcelin, le soleil. Et dire que j'aurais pu être dans cette eau sombre avec des algues dans la bouche. Je me révolte contre la mort maintenant. C'est ce qui doit ressembler le plus à une prison. Ah, c'est pour nous, ces déjeuners? Oui, c'est pour vous. Bon, j'ai faim. Tiens, allez, viens la brebis. Assieds-toi. Oh, du beurre, Marcelin, du beurre. Je crois que pendant des années, j'aurais envie de crier de joie en découvrant du beurre le matin. Est-ce que je vais aller chercher? Oui, mais bien sûr. Adeline, aussi? Oui, oui, ah oui, mais disons, qu'elle ne m'embrasse pas tout de suite. Tu vas être gentil. Puisqu'ils le sont tous, il faut bien. Il n'y a que papa qui me chiffonne. On t'a dit avec quel mot il marchait? Mais mon cher, le vieil Horace. Ah, bien sûr, chaque fois qu'un vieillard est inhumain, on peut se dire ça, mais enfin tout de même, j'aurais préféré un autre genre. Oh, tu es insatiable. Bon, ben, déjeunons la brebis. Allez, reste assis là, vite. Non, non, laisse ça, laisse ça. Le porto avec le café au lait, ça donne mal au cœur quand on est civilisé. Ah, qu'est-ce que tu veux, la brebis? Faut en passer par là. Mais en échange, tu boufferas bien. Et moi aussi. Après tout, c'est peut-être ça, les joies de la terre. On a si mal mangé depuis si longtemps, tous les deux. Et puis, ils s'occuperont de nous. Ils nous dorloteront peut-être. Tiens, tu vois, c'est peut-être parce qu'il fait froid et que je n'ai pas dormi de la nuit, mais il me semble que ça doit faire du bien d'être dorloté. Après tout, ils sont bien, la brebis. C'est probablement nous qui sommes des salauds. Oui, ah oui, ta remarque est assez juste. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, des gens bien. Et surtout, ne lui sautez pas au cou tout de suite. Je suis la prudence même. Ils sont là. Ah, bon, eh bien, allons-y. Tu n'as pas l'air ravi. Non, je n'ai pas l'air, mais je suis ravi. Alors voilà. Voilà. Il paraît que tu... Oui, oui, oui. Mais il paraît que toi aussi... Tu... Et Adeline aussi, paraît-il. Oui, tout le monde. Tout le monde, et tout va s'arranger. Voyons, asseyez-vous, hein. Asseyez-vous, vous en prie. Mais asseyez-vous donc. Oui, mais naturellement, il va y avoir quelques points à régler. Oui, enfin, non, tu comprends bien, mon cher Ludovic, que pour éviter les surprises, pour savoir où nous allons, nous devons nous mettre tout de suite d'accord sur un certain nombre de petits détails. Enfin, petits détails sans importance. Ah, mais c'est la moindre des choses. Eh bien, voyons, si nous profitions tout de suite de cette atmosphère de détente et de cordialité pour régler la question de Lyon. Dis-lui bien, Guillaume, que vous lui avez gardé cette affaire comme un champ digne de son activité, de sa science financière. À vrai dire, je ne l'ai que depuis 2 ans. Oui, mais enfin, avant, vous lui en gardiez une autre. C'est exact. J'ai souvent regretté ta collaboration, Ludovic. C'est parfait. Tu vois, Ludovic, ta famille, bien longtemps avant ton retour, te chauffait déjà ta place au foyer. Oui, je vois. De ton côté, je crois me faire ton interprète en disant à Guillaume combien ce geste te touche. Et c'est vrai, il me touche. Eh bien... Vous voyez qu'entre braves gens, on s'entend toujours. Mais Adeline, voyons, vous ne dites rien. Je peux parler? Mais certainement. Mon chéri, je veux te dire que pas une minute de ces 15 ans, je n'ai cessé de penser à toi. Seule, vêtue de sombre, je t'attendais en élevant notre fils. Ah, c'est bien vrai, Ludovic. Elle était la vivante statue du souvenir et de la douleur. N'est-ce pas que j'étais la vivante statue? Oh, figure-toi, mon chéri. Et toi, Ludovic, ne lui diras-tu pas, voyons, combien tu regrettes d'avoir déçu cette longue attente par ton attitude de un peu... Oui, enfin, si tu veux, oui, un peu. Je te demande pardon, Adeline. Je comprends maintenant que tu as été une femme admirable, une épouse et une mère comme on en rencontre rarement. Je te sais gré de m'avoir attendu 15 ans. Oh. Sans douter de moi. Oh. Pardon. Ah, oui, et aussi, je te remercie pour les cravates. Oh, le chéri, l'amour. Vous avez entendu, Marcelin? Les cravates. Oh, je suis bouleversée. Tu vois? Mais ne pleure plus, oh, Adeline. Si ça me fait du bien, mon chéri. Comme c'est touchant. Oui, c'est touchant. Oh, mon rimel, vite, vite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais un mouchoir, voyons, un mouchoir, voilà, oui. Voilà. Oh, et puis c'est du rimel violet qui pique 2 fois comme le noir. Oh, je veux être laide maintenant. Non, mais ça ne fait rien. Non, enfin, je veux dire, tu n'es pas laide. Ah, tu es sûre que je ne suis pas laide? Mais non, tu es ravissante. Oh! Qu'est-ce que tu as, là? Oh, c'est parce que tu m'as dit que j'étais ravissante. C'est la première fois depuis 15 ans. Marcelin, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise pour l'arrêter? Mais rien. Laissons-la se remettre seule. Je suis malgré tout content que tu vois combien elle t'aime, combien elle est sensible, combien tu l'avais méconnue, combien... Combien as-tu la prétention de vouloir pour l'affaire de Lyon? Mais non, pas question, n'est-ce pas, Ludovic? Vous arrangerez sûrement. Oui, c'est bien. Mettons que ma question ne tient pas debout. D'ailleurs, tu sais que j'ai pour principe de combler ceux qui me sont utiles. Et tu vas être mon bras droit. Embrasse-moi, mon petit. Je dis mon petit, car il ne faut pas que tu oublies que je suis ton aîné. C'est ce qui explique et excuse, mon cher Ludovic, certaines paroles un peu sévères de Guillaume. Allez, embrassez-vous donc. Ça me bouleverse, moi, de voir ça. Oui, ça, je l'avoue, tu m'avais mis hors de moi. Mais je te comprends. Quelle horreur aussi, cet enfant prodigue qui revient pour dire qu'il va repartir. Je crois que cette prise de contact est... en excellente voix. Oui. Et pour que cette petite fête de famille soit complète, je vais me permettre d'aller avertir les autres. Voulez-vous être assez aimable pour donner l'ordre qu'on monte les autres déjeuners ici? Ah oui, c'est ça, les autres déjeuners. Oui. Comptez sur moi. Tu n'es pas trop fatigué? Si, c'est exactement ça. Je suis trop fatigué. C'est pas comme si j'étais dépassé par ma fatigue. Oui. Elle fait une sorte de zone neutre entre le monde et moi. Alors, je réagis mal. Pourtant, ça n'est pas l'air, hein. Mais vous voyez, en ce moment, je suis presque un peu content. C'est vrai? Oui. Oh. Je me présente à vous bien désarmé, mais maintenant, la crise passée, il me semble que j'ai besoin de tout ce que j'ai refusé l'autre jour. Aime-moi bien, Adeline. Je t'adore, mon chéri. Non, ne m'adore pas, aime-moi bien. Oh. Et toi, Guillaume, sois ce frère aîné que tu m'as dit. Mais je suis prêt, mon vieux, à te guider de mes conseils, à t'éviter même des bêtises. En te bousculant un peu l'autre jour, je ne visais d'ailleurs que ça. Oui, mais pas seulement des conseils, une protection. Parce que ce matin, tout me fait un peu peur. Oui, compte sur moi. Oui, la famille, n'est-ce pas? Si ça représente une contrainte qui m'avait effrayé au premier abord, ça représente aussi quelque chose d'un peu chaud. Mais bien sûr. En attendant, bois donc ton déjeuner. Il va être froid. Je vais réveiller moi-même Gaston. Il doit se demander pourquoi on le tire du lit. Alors, Adeline, il paraît que tu as parlé de moi souvent. Tout le temps, mon chéri, tout le temps. Songe que je ne pouvais même pas prendre le thé sans penser que toi, là-bas, tu mangeais si mal. Ça va te paraître enfantin, peut-être. Je n'osais même pas manger un gâteau. Oh, tu avais tort. Et pourtant, tu sais comme j'ai toujours aimé goûter, hein. Quelquefois, devant l'assistance de quelques amis à qui je ne pouvais pas faire comprendre mon sentiment, n'est-ce pas, je prenais un petit four ou deux. Mais c'est parce que je pensais, s'il était là, il me forcerait sûrement. N'est-ce pas, mon chéri, que si tu l'avais su, même de loin, tu m'aurais forcé. Mais sans doute, Adeline, je t'aurais forcé. Voilà. Mais tu savais comme je mangeais mal là-bas? Oh oui, je m'étais renseignée. Oh, c'est idiot, tu vois, tu aurais pas dû me dire ça, ça me reprend. Tu vas me trouver laide, mon chéri. Mais non, mais je te trouve charmante. Tu es gentil. Et toi, je te crois parce que tu ne m'as jamais menti. C'est pour toi que je suis restée jeune, mon petit Lydion. Pendant ces 15 ans, je n'ai pensé qu'à ça, être jeune quand il reviendra. C'est pourquoi, malgré mon immense chagrin, je me suis astreinte à vivre, à sortir, à faire du sport, à m'amuser. Je ne t'ai pas encore dit, mon chéri. Mais nous avons organisé avec la comtesse de Bigle une délicieuse petite formation théâtrale. Nous jouons la comédie, par charité naturellement. Nous louons un vrai théâtre, mon cher. Nous avons donné du Musset, du Marivaux, des charades. Oh mon Dieu, nous nous sommes bien amusés. Et je me le disais souvent, pourquoi le pauvre petit n'est-il pas là? Merci. Parle encore, Adeline. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux n'importe quoi. Tu veux que je te raconte mes vacances? D'abord une petite infidélité. Oui, monsieur. Tu sais que tu détestais le midi en été et que je l'adorais. Alors, ma foi, j'en ai profité. J'ai passé tous mes étés à Cannes. Tu m'en gardes pas rancune, n'est-ce pas? Oh, mais non. Non, au contraire. Alors, dis encore, comme tu as été malheureuse. Oh, très malheureuse. Et puis, avec tout ce monde qu'on connaît, cette vie harassante, ces courses, pas un moment pour être seule et penser à notre ancien bonheur. Je me disais parfois, oh, il a plus de chance que moi, lui. Il est seul au moins, il a le temps de penser. Ah, c'est bien. C'est bien, Adeline, que tu te sois dit ça. Voici les autres à déjeuner. C'est drôle. C'est très, très drôle. Très mais enfin, drôle. Qu'est-ce que tu as, mon chéri? Comment on vous a laissé seul avec lui? Mais naturellement, voilà un hurluberlu. Vous vous figurez qu'à mon âge, j'ai besoin d'un chaperon. Mais qu'est-ce que vous lui avez dit, Adeline? Mais il y a des choses charmantes, Marcelin. Rien que des choses charmantes. Ah, vous voyez. Voilà, Ludovic. Oui. J'ai expliqué à M. Dupont-Dufort quelle hâte tu avais de le voir, de lui annoncer cette bonne nouvelle. Il est très aimable. Tu vois, il a tenu à se lever immédiatement. Anne-Marie est venue aussi. Nous voulons nous réjouir tous sans arrière-pensée de ton retour. Ah, oui, voici le jeune couple. Oui, ils sont délicieux, n'est-ce pas, mon chéri? Oui, oui, oui. Je vous remercie, monsieur, de ce geste qui va enlever la dernière ombre à notre bonheur. Oui, oui, oui. Oui. Regarde-moi, Anne-Marie. Qu'est-ce que vous voulez? Regarde-moi bien, toi. Voilà. Pourquoi? Tu as deux rides au coin de la bouche, toi aussi. Oui. Faudra pas les effacer, toi, quand tu seras vieille. Non. C'est ça que vous vouliez me dire? Tu as de bons yeux, toi, pourtant. Mais qu'est-ce qu'il a, mon chéri? Non, laisse-moi. Tu l'adores, ce garçon, Anne-Marie? Mais enfin, monsieur, vous êtes d'une indiscrétion. Taisez-vous, vous aussi. Regarde-moi, Anne-Marie. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu l'adores, ce garçon? Je vais l'épouser. On m'a dit que tu l'adorais. Allons, voyons, Ludovic, pourquoi cette insistance? Elle est gênée. Et moi aussi, je suis gêné. Mais j'ai besoin de savoir. Anne-Marie, on m'a dit qu'il fallait que je devienne comme les autres pour ne pas briser ton amour. C'est bien ça, Marcelin? Oui, je l'ai dit, je n'ai pas menti, n'est-ce pas? Bon, alors réponds à Marcelin, Anne-Marie. Je ne sais pas ce que vous voulez me faire dire. Je veux que tu me dises que si j'accepte de vivre décemment, c'est pour ne pas briser ton amour. Je tiens à ces mots. Vous alliez rendre impossible un mariage que je veux faire. Tu ne veux pas répéter mes mots. Ils sont gracieux pourtant. Marcelin a des trouvailles. Vous alliez briser mon amour. Alors répète et je te tiens quitte. Je ne sais pas, moi, de mon temps, on n'hésitait pas à dire qu'on adorait son fiancé. Non, je ne répéterai pas. Ça va, tu es honnête. Écoute, Anne-Marie, si tu veux, quoique je joue gros, tu sais, je me demande ce qu'ils feront de moi, mais ça ne fait rien, ça me ferait plaisir tout de même. Et si tu veux, je fais rater ton mariage en faisant la pirouette devant ta belle-mère, en tirant la barbe du vieil oncle, enfin, n'importe quel moyen. Qu'est-ce qu'il peut bien lui dire? Chut, je crois que nous sommes en bonne voie. Je ne dois pas vous cacher qu'aux yeux de ma mère... Taisez-vous. Réfléchis bien. Réfléchis bien, Anne-Marie. Toi, tu n'auras rien à faire. Dis-moi oui seulement. Ben, tu en trouveras un autre que tu aimeras. Je veux épouser Gaston. Mais tu ne l'aimes pas. Je veux épouser Gaston parce que je suis à peu près incasable et que c'est ma seule chance de me marier convenablement. Qu'est-ce que tu me racontes? Je veux me marier convenablement. Même si ce mot vous choque, pour être tranquille, enfin. Pour avoir une maison, un enfant, tout le reste m'est égal. Là, vous êtes content? Vous verrez bien qu'il faut mentir et tricher pour s'en tirer. Je le savais avant que tu naisses, mais je l'avais oublié. Et je ne pensais pas que c'était toi qui me l'apprendrais. Hey, fiche-moi le camp, toi aussi. J'aime pas les malins. Je peux te parler? Hein? Mais bien sûr, tu peux me parler. Comment, mais tu es calme? Oui, je suis très calme. Qu'est-ce que tu me veux? Il m'envoie te demander ce que tu comptes faire. Mais n'est-ce pas convenu? Si. Mais il n'y a rien de changé. Je reviens. Ce n'était nullement la peine de m'envoyer un ambassadeur, Guillaume. Comme tu vois, je suis très calme. Eh ben, vous voyez, il est calme. Je suis heureux de l'apprendre. Il y a 10 secondes, tu hurlais. C'est vrai. Et c'était de très mauvais goût. Je vous demandais tous gentiment de bien vouloir mettre ça sur le compte de mon énervement. Mais c'est facile. Ah non, oh non, ça n'est pas facile, c'est difficile. C'est long, c'est harassant, tu sais. Mais quoi, mon chéri? D'apprendre à vivre. Cet idiot de Marcelin m'a parlé une partie de la nuit, et ce n'est pas un être extraordinaire, mais il faut avouer qu'il a un certain génie de l'optimisme. Aussi m'avait-il fait un portrait de la vie si rose, si ridiculement rose. Non, remarquez, avec quelqu'un d'aussi peu renseigné que moi, il avait beau jeu, car vous savez, on oublie tout en 15 ans. Eh bien, je l'ai cru un moment. Et maintenant, mon chéri? Maintenant, tu m'as parlé, Adeline. Cette petite m'a parlé. Alors, je commence à voir clair. Voilà tout. Oui, alors nous en sommes exactement au même point que le jour de ton arrivée. Eh ben, c'est gay. Mais non, Guillaume, non. Le jour de mon arrivée, je ne trouvais ma femme que vieille. Oh. Je ne te trouvais que dure. Oui, et maintenant, qu'est-ce que tu nous trouves? Je vous trouve exactement ce que vous devez être pour que je puisse vivre. Oh, ne prenez pas ça mal. J'aime mieux ça. C'est au contraire, ce matin, dans cette atmosphère de bibliothèque rose, que je ne me sentais pas à l'aise. Si les gens étaient tous bien, comme le racontait ce brave Marcelin, vous comprenez que ce serait très compliqué de vivre. Ce serait une gêne, un scrupule de tous les instants. Vraiment, on n'oserait plus être soi. Tandis que là, entre nous, je veux bien. Ah, Barico, tu sais que je me suis fait donner les dossiers de Lyon. Cette nuit, je les ai lus, pendant que Marcelin dormait. Eh bien, tu vas être content, je vais en faire quelque chose d'extraordinaire de ton affaire. Vous voyez, Marico? Oui, oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je me fais pas de phrases. Travaille d'abord et nous verrons si tu y as vu clair. Oh, mais ça y est, j'y ai vu très clair. Tu as frisé deux fois la correctionnelle avec ça. Comment? Mais il plaisante. Ah oui, mais il y a des plaisanteries qui ne me font pas rire. Oh, c'est bon. Tu as raison. Respectons la terminologie. Disons que tu as été très audacieux. Hein, si on se mettait à employer des gros mots dans la finance, où irait-on? Ah, viens, le vieil Horace, comment vas-tu, cher vieil Horace? Ah ben, c'est bon, je vais bien. Ah, on t'a dit que je revenais? Tu ne fais que ton devoir, nous en parlons. Mais dis donc, papa, qu'ai-je appris? C'est de cette affaire de Lyon que tu présides en titre le conseil d'administration. Ah, tu l'as donc frisé aussi sans même le savoir, cher vieil Horace, la correctionnelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il plaisante. Gaston, je vous en prie, ne l'écoutez pas. Non, mais ne jette donc pas des regards effrayés à Monsieur Dupont-Dufort, Guillaume. Tu penses bien qu'il sait à quoi s'en tenir sur ton compte. Tiens, c'est comme si nous étions susceptibles d'ignorer qu'il est ici pour négocier son conseiller d'État et ses deux membres de l'Institut contre la belle dot d'Anne-Marie. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Mais monsieur, je vous interdis de prononcer telles paroles. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous tous. Moi, je trouve que c'est ravissant de vivre. Oui, j'ai un peu crié parce qu'en vérité, je ne me doutais plus que c'était ça. Mais maintenant, je suis prêt. Allez, je suis prêt. Vite, vite, il faut que je joue mon rôle dans cette farce. À qui dois-je me vendre? Qui dois-je tromper? Quelle saleté faut-il que je fasse scrupuleusement chaque jour pour être tranquille? Dites-le-moi vite et me revoilà. C'est Ludovic que vous aviez perdu. C'est celui qui a fait sauter 100 millions pour l'abstraite joie de superposer 10 affaires. Celui qui jouait comme un imbécile toutes les nuits, qui changeait de femme tous les jours. Enfin, voyons, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux vous dire que je suis prêt, enfin. Ah, vous devez être content. Je ne m'indignerai plus de rien. Je vous rattraperai même très vite. Parce que moi aussi, Adeline, j'ai des larmes de crocodile. Un réservoir plein de faux soupirs. Mais moi aussi, papa, je sais être digne pour m'éviter d'être humain. Affairé et canaille, Barico, pour ne pas être roulé. Quel mot viens-tu de prononcer, s'il te plaît? Mais c'est horrible, ce que tu dis. C'est trop fort. Mais faites quelque chose, voyons. Moi, je suis un vieillard. Mais moi, je suis un tiers. Il faut agir tout de suite. Il ne sait pas ce qu'il dit. Monsieur Barico, vous ne dites rien, je vous somme de l'arrêter. Oh. Laissez-le faire. Il est tout simplement en train de nous prouver que nos soupçons étaient fondés. Allez, dites, je vous en supplie. Je consens à toutes les lâchetés. Le vice, ça n'est rien. C'est la comédie qu'il joue qui rend la vie effrayante. Regardez-moi bien en face. Et une fois au moins, disons-nous ce que nous sommes. Quoi? Vous ne voulez pas? Ça me ferait tant de bien. Vous avez peur de parler, peut-être? Mais faites-moi seulement un clin d'œil. Ah, ça me soulagera. Vous. Et toi. Toi. Mais toi, Adeline. Tiens. Je t'adore, mon chéri. Je t'adore et tu me prends le cœur. Voilà tout. Ah, c'est horrible. Horrible. La brebis, viens, toi. Oh. Ah, nous sommes dans un drôle de milieu, tu sais. Gaston. Dans l'hypothèse d'une démence médicalement constatée, votre famille accepterait-elle de continuer les pourparlers? Entendons-nous, démence avec internement, tout au moins temporaire. Oui. Elle accepterait, je le crois. Eh bien, c'est parfait, mon cher. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Mes amis, voulez-vous sortir tous un instant et me laisser avec Ludovic? Oui, c'est ça, nous vous laissons. Oui. Non, restez-vous, Marcelin, restez. Mon petit, je veux jouer franc jeu avec toi. Je crois que tu es assez malin pour avoir trouvé dans les dossiers de l'affaire de Lyon des détails qui peuvent m'ennuyer. Mais d'un autre côté, tu penses bien que je ne suis pas homme à te les laisser révéler. Or, ce que tu as dit, ce que tu as fait sur ce bateau depuis 3 jours, avec pour antécédent ces 15 ans de réclusion qui sont une épreuve à laquelle bien peu d'intelligence résiste, c'est plus qu'il en faut pour obtenir ton internement. N'est-il pas vrai, Marcelin? Hein? Alain? Et qu'est-ce que tu vas dire, Marcelin? Le puissant Baricot te pose cette question. Moi, je ne suis déjà plus qu'une ombre, rayée de toutes les listes. Mais je ne sais pas. Oui ou non, avec ce qu'il a à son actif, n'importe quel psychiatre ne délivrera-t-il pas à la demande d'une famille justement inquiétée un certificat d'internement? Faudrait l'examiner. Ah, naturellement. Mais vous, qui venez de le voir à l'œuvre, quel est votre sentiment? Allons, allons, Marcelin. C'est difficile. Tue-le donc, ce dernier petit remords. C'est si dur de se battre. Marcelin, ne l'écoutez pas. Soyez franc. Faites votre devoir d'homme et de médecin. En somme, je ne suis pas psychiatre, moi. L'un de mes confrères spécialistes serait peut-être plus indiqué. Là, là, ça y est, Marcelin. Tu vois que ça n'était rien. Tu te sens bien maintenant. Mais encore, Marcelin ne peut oublier qu'il est ton ami, ce qui est un sentiment qui l'honore, mais qui diminue singulièrement l'expression de sa pensée. C'est donc très clair. Eh bien, pourtant, mon petit, maintenant que tu sais que je te tiens, je vais te dire une chose. Moi, je ne te crois pas fou. Un peu gueulard. Voilà tout. Et alors? Nous travaillons sûrement ensemble bientôt, car je sais ce que tu vaux. Mais veux-tu m'aider? C'est notre intérêt à tous deux. Ce que je vais te proposer ira d'ailleurs assez bien avec ton humeur actuelle. Voilà. Accepte de passer 2 ou 3 mois dans une maison de santé de premier ordre, quelque chose dans le midi, avec un grand parc dans lequel tu pourras vérifier et épuiser sans doute ton goût soudain de la nature. D'abord, précisément, tu t'y referas une santé. Ensuite, ça me permettra de laisser passer le moment critique. Dès que tout cela sera un peu oublié, je te ferai signe. Non, franchement, me penses-tu assez bête pour te croire? Que veux-tu dire? Mais ça, sans aucune espèce de sous-entendu, me penses-tu assez bête pour te croire? Oui, parce que tu refuses. Non. Non, parce que j'accepte. Mais ça m'embêterait tout de même que tu crois que tu m'as roulé. Tu acceptes? Oui, Guillaume. Parce que je crois que je ne suis tout de même pas encore fin prêt pour me mesurer avec vous. J'accepte. Mais, attends, je n'y mets qu'une condition. Ah oui? C'est que tu paieras la pension de la brebis. Bon. Mais de ton côté, tu faciliteras les choses. Bien sûr. Je suis heureux de voir que pour la première fois, nous sommes d'accord. Donne-moi la main. C'est inutile. Je vais leur dire que Marcelin vient de donner un diagnostic très favorable. C'est ça. Et oui. Que tout se passe vite. Oui. Tu sais, en somme, c'est plutôt mieux. C'est un peu le médecin qui te parle. Un repos de quelques mois ne peut que te faire du bien. Et puis, comme ça, tu seras avec ton ami. Au début de l'hiver, tu nous reviendras calmé, rénové. Rénové. Mais qu'est-ce que tu as, Ludo? Va-t'en vite. Moi, je suis ton ami. Et si je te dis ça, c'est dans ton intérêt. Va vite les retrouver. C'est bon, j'y vais. Mais j'en ai pas honte. En somme, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu me détestes, tu les détestes, et qui aimerais-tu? Après tout, nous sommes le genre humain. Eh bien, dépêche-toi, parce que je pourrais avoir envie d'atteindre le genre humain par l'intermédiaire de ton derrière. C'est bon. Tu sais pas ce que tu dis. J'ai trop d'affection pour toi, pour risquer de t'exaspérer. Va, va, va, va. Allons, va vite. Attends. La brebis. Eh ben, mon petit, la brebis. Tu en as de la veine de ne rien comprendre, toi. Dis donc, leur grand parc, si nous y entrons, nous n'en sortirons jamais. Écoute ici. Tu sais nager? Ben, nager. Hein? Oh. Oui, mais attends. Mais nager longtemps. Oh. Bon. Alors, une chance sur 10. Ça vaut la peine, tu crois, pour être libre? Oh. Alors, mon vieux, foutons le camp. Oh. Mmh. théâtre populaire de juin 44 vient de vous faire entendre, sous la direction artistique de Roger Dattis et présenté par Maurice Bertrand, Y avait un prisonnier, une pièce en trois actes de Jean Anouilh. Voici quels en étaient les personnages et acteurs. Ludovic, Jacques Duménil. Marcelin, Robert Arnoux. Baricot, Marcel André. Monsieur Penn, Albert Gercourt. Gaston, Dominique Bucard. Adeline, Mireille Perret. Anne-Marie, Bernadette Lange. Lucienne, Olga Nilza. Et la récitante, Odette Briane. Prise de son, Jean Rohr. Bruitage, Georges Parsons.